Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. T'étais perdu. T'étais perdu parce que tu te disais, bon sang de bois, où est-ce qu'ils sont? Tu vérifiais ton application podcast et non, rien, l'absence, dans sa plus cruelle définition. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Oh oui, t'as essayé de nous remplacer, oui, tu les as écoutés, ces podcasts qui parlent de cinéma de façon sarcastique. Ce que fait Zack Snyder avec le DC Cinematic Universe, bah on dirait Michael Bay qui fait mumuse avec la franchise Transformers, oui. Tu les as entendus ces phrases, ouais. T'as essayé de nous remplacer. Tu les as écoutés, ces podcasts venant de grandes radios nationales? Ce chroniqueur qui n'hésite pas à parler de François Fillon et de Donald Trump en prenant bien soin lors de sa petite balade dominicale dans ce chemin près du ruisseau? C'est un cours d'eau, n'importe quel cours d'eau ou... N'importe quel cours d'eau. De l'eau stagnante? Elle bougeait. Bah, imagine la forêt, tu vois une forêt? Au milieu, donc une rivière? Une petite rivière. Ok, d'accord. Okay. Tu le voyais donc s'élancer... Délancer son pied contre l'habitat de fortune que s'était construit d'honorables fourmis. D'accord. Une maison, une cabane? Ouais, enfin tu sais, les fourmis, elles ont un... comment? Comme un cagibi? Ouais, non, une tente. Ben, ça a un mot en particulier. C'est une maison de fourmis. Ouais, enfin ça c'est le terme un peu... C'est pas très technique comme terme en fait. Ah oui, tu veux le terme scientifique? Le terme scientifique. Une fourmilière, du coup. Une fourmilière, oui, voilà, c'est ça. De lancer son pied contre l'habitat de fortune que s'était construite d'honorable fourmi. Donc une fourmilière et... Lancer son pied, c'est-à-dire il a un pied détachable qui peut... Non, en fait c'est, tu vois, comment dire. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. S'il avait lancé sa main, j'aurais dit un coup de poing. Enfin, s'il avait serré la main et qu'il avait lancé une gifle ou... Ouais, non, parce que la main aurait été serrée, tu vois. Donc, d'accord. Coup de poing, en fait. Donc, un coup de pied, en l'occurrence, du coup. Elle a un coup de pied. Bah, un coup de pied dans une... Enfin, tu les as vus faire des coups de pied dans une fourmilière. C'est une coup de pied dans... Ouais, je veux dire ça à la toute base. Oui, t'as essayé de nous remplacer. Tu l'as écouté, ce podcast du Canadien qui parle fort et du Belge sarcastique? Ça sonne comme une blague, ça doit être drôle, tu t'es dit. J'espère que tu ne t'es pas fait mal au genou en tombant de ta montagne bâtie sur ton illusion. Mais tu sais, moi aussi, j'ai essayé de nous remplacer. Je me suis mis à écouter des podcasts, moi aussi. Je mets des rimes là où il n'y en a pas. Dont celui d'Edouard Baird, que je plagie actuellement comme un sacré fils de pute. Et surtout, j'ai essayé de remplacer ce podcast par le travail. L'écriture, la réalisation, le violon, oui, c'est moi qui joue actuellement. Mais toi, t'étais là. Toi, t'arrêtais pas. Toquant à mon Twitter comme un témoin de Jéhovah. Tu m'as parfois agacé, car il t'est arrivé d'être virulent, même capricieux. Mais j'ai enfin compris. Tu étais en manque. Tu étais en manque de blagues sur le sperme, en manque d'anecdotes sur des gars qui se chient dessus, des meufs avec des perruques de chatte, ses copains qui se sont branlés dans une mitaine récupérée au sol. Oui, tout ça, ça t'a manqué. Et si t'es en manque, alors on est triste. Et si on est triste, on n'est pas content. Plus ou moins la même définition, ce que je viens de donner. C'est assez similaire. T'aurais pu juste dire le premier truc. J'aurais pu juste dire le premier truc. Mais c'est parce que j'ai voulu sortir du texte et jamais... Bon bref. Promis. On va venir plus souvent, on va tout faire pour. J'ai rebranché les micros, le sniper a fait le plein de munitions, il a ajusté sa lunette, je crois. Oui. Je les suis, là. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Plus donc, sniper que mime. Bon, enfin, ce qu'on voulait vous dire, en tout cas, c'était bienvenue dans Footcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Footcast, le numéro, le 14e, c'est je crois, le 14e, ouais. C'est le numéro 14. Quatre invités autour de la table, comme à l'accoutumée. Je commence avec Audrey Pirot. Bonjour. Bravo. Audrey. Salut. Voilà. Comment ça va, Audrey? Meilleur pour le début. Oh, ça, ouais. Oh, tu es sympa. Comment ça va, Audrey? Super. Audrey, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Et sans vais. Gargarisme, si tu peux. Oui. Je m'appelle Audrey. Ok. Et je viens de là où je viens, j'ai l'âge que j'ai, et je fais ce que je fais. Voilà, bonne chance. Tu es Renaud, apparemment. J'adore. Il a fait ça? Je pense qu'il a dû faire non, un truc. Non, je crois comme pas. Je connais toutes ses chansons, c'est impossible. Je suis allée voir en concert, tu m'auras pas. Pas mort. Ah, j'ai mélangé. Exactement. J'ai confondu. Non, mais et j'embrasse un flic. Tu es comédienne? Oui, je suis comédienne. Où est-ce qu'on peut te voir, par exemple? Sur l'internet. Y a-t-il des chaînes en particulier? Bien sûr, il y a des chaînes en particulier. R-Piro. R-Piro, qui est ma chaîne personnelle. Que tu écris. Écris et joue. Tu fais un AVC, tu es en train de faire un AVC, vrai, tu peux nous le dire, tu es en train vraiment de faire un AVC. Non, mais oui, dans le latte chaud. Et dans le latte chaud. Voilà. Et après, sur internet, avec Golden Moustache, là où nous nous sommes quelque part rencontrés, bah, je crois qu'on peut se le dire. Un petit peu, un même petit Bagel, un peu l'Hollywood. Un peu, oui, aussi l'Hollywood, oui, c'est vrai. On connaît ton visage sur le web. Voilà, j'espère. Bah oui. En tout cas, c'est moi. En tout cas, c'est toi, Audrey Piron. La voix qui va avec le visage. Nous sommes. Ah, merci! Attends, je suis. Merci! J'applaudirai pour toi aussi, sache-le vraiment. Nous sommes avec Teddy. Bonjour. T'es différent. Est-ce qu'on dit t'es différent à haute voix? Je me suis toujours demandé. Écoute, on peut le dire. Oh, alors je dis t'es différent. Voilà. Teddy, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es. On te voit en ce moment beaucoup sur la biscotte. On me voit peut-être trop, mais on voit sur la. On me voit beaucoup, oui, sur la biscotte avec Kemar, Mich et David Fontao. Fontao, que nous avons même reçu ici, qui est déjà venu dans David, cette émission. Oui, bien sûr. Vrai. D'accord. Qui est déjà venu. Ça devait pas être ouf. Moi, je m'entendrais super bien avec lui. C'était assez moyen. C'était pas une des meilleures. Ouais. Elle était pas horrible, mais c'était pas une très des meilleures. Il a fallu passer l'aspirateur. Mais très belle op. Oui, mais tu, à l'intérieur, tu écris pour j'écris, la biscotte et tu interprètes quelques personnages, dont le célèbre Baccaré Conté. C'est vrai. Qui commence à devenir vraiment un personnage assez culte dans le milieu du. Ah, si, si. Merci, oui, tu le vois, là, la radio, ça ne marche pas, mais tu es en train de faire une moue. Si. Si. Oui, moi j'aime beaucoup ce personnage. Merci. Bah, surtout sa chanson de Noël que nous diffuserons, je pense, dans cette émission. Avec plaisir. Le Conté de Noël, qui est une très belle chanson. Composée par David, justement. Bien sûr. On va peut-être faire un live. C'est ça qu'on aurait dû faire. C'est ça. Nous sommes actuellement aussi avec Julien Pestel. Attends, faut que j'applaudisse pour Teddy. Je pensais que t'étais bienvenu. Ah oui, mais excusez-moi, pardon. Parce que j'ai pas les codes. Vous inventez des règles. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que se passe? C'est pas bien rodé. On a fait une longue pause. On a acheté du matériel, s'il vous plaît. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est donc avec Julien Pestel. Oh là là. Salut. Je compense ma fatigue actuelle avec beaucoup trop d'énergie. Donc je vais tenir 10 minutes et je vais aller couler. C'est sûr. Julien, tu es déjà venu ici. Oui. Tu étais venu avec McFly, Carlito et. Merde, j'ai un trou. Et Adrien Méliès. Toujours, hein. Toujours moi le quatrième. T'es déjà venu. Parce que t'habites pas ici, toi, Adrien? Non. D'accord. J'ai un appart personnel. Et donc tu reviens, plus en forme que jamais. Oh, je joue pas. Je sais pas si c'est la meilleure. Pas en forme, l'un ou l'autre. Je suis très content que tu sois là. Alors, aussi, je te représente s'il y a des gens qui prennent le train en route. Julien Pestel, comédien. Oui. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a de nouvelles rubriques dans cette émission. Mais aïe. Ne veux pas trop teaser parce que je vous rappelle que bon, tout peut échouer très vite. Hein. Tout est très nouveau. Oui, mais donc on, comédien. Oui. On parle peut-être dans le vide. Peut-être dans le vide. Il se peut que je quitte le logiciel et qu'on me dise mais vous n'avez absolument rien enregistré. Mon ordinateur me respecte beaucoup, mais beaucoup de formes de politesse quand il me parle. Donc oui, Julien Pestel, comédien, auteur, oui. On a pu voir dans Le Palma Show, dans un film récemment, un film, on aura l'occasion aussi dans... La folle histoire de Max et Léon. La folle histoire de Max et Léon, bientôt en DVD, je te l'aurais dit. Exact. Ça, en DVD et Blu-ray près de chez vous. Non, on aura l'occasion d'en parler ça aussi un petit peu plus tard. Et tu as lancé ta chaîne YouTube. Et j'ai lancé également. Ma propre chaîne YouTube il y a quelques semaines, oui. Et je sors un album de ska en mai également. J'ai entendu un single, c'est très très bon. C'est très très bon. Le titre, L'Enculeur. Bon. C'est un peu une private joke. Mais le, bon, ça fait toujours plaisir. Non, mais comme mot, quoi. Le mot est lâché. C'est ouais. Une private joke. C'est une private joke, mais il y a des questions et l'une porte sur ce si thème. Si on n'a pas la ref, c'est quand même drôle. Le mot Enculeur est marrant quand même. Et nous sommes avec. Comme d'habitude, le co-animateur, parce que c'est même plus vraiment mon Attends, émission. Pardon, mais du coup. Ah putain. C'est lourd, c'est super lourd. Mais non, mais je vois pas pourquoi je serais la seule, tu vois. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon, les gens écoutent ça en faisant du sport, et si on applaudit trop vite, ils vont se mettre à accélérer, puis ralentir. C'est voilà. Pas parce que. Point de côté. Oui, mais c'est du fractionné. C'est exactement. Ça, c'est du fractionné. Nous sommes également avec Adrien Méniel. Comment ça va, Adrien? Après ces mois d'absence, je n'ai même pas vérifié avant l'émission le nom. Top. Non, nous. Nous, on se voit beaucoup en termes d'autres travails. Mais derrière le micro, c'est... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas mis mon appartement sans dessus-dessous. Pour est-ce que... Alors, attends. Est-ce que c'était en 2016, la dernière C'était émission? En 2016, c'est sûr. Déjà, bonne année, tout le monde. Déjà, joyeux Noël. Là, on peut dire plein de choses. La Saint-Valentin, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Je crois que la dernière, c'était celle avec Simon Astier et Anne-Sophie Girard, je crois. Donc, autant te dire que ça date vraiment... Ça date, hein. Ça date il y a très longtemps. Et puis on a eu ta peau en 2016, hein. Tu nous en as fait baver, mais on t'a eu. Enfin, quand on regarde 2017, il y a Trump, il y a Fillon, excusez-moi, c'est quand même pas non plus la grosse fête. Hein. D'ailleurs, rappelons que tu as une chronique dans 20 minutes, Adrien, où tu parles de politique. Oui, je passe tout le monde au vitriol. Là, tout le monde trempe le Peter Tay dans le vitriol, ça fait pas de mal. Ça met les idées en place, c'est moi qui te le dis. Est-ce que ça pourrait remettre, par exemple, imaginons que j'ai acheté récemment avec une horloge. Alors. Radio réveil. Là, à vue de nez, elle est. Enfin, plutôt une pendule en tout là, cas. Il est écart et elle indique 20, donc je vais la remettre à l'heure. Oui, c'est ça. Tout simplement. Bon, écoutez, merci à tous d'être venus. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce podcast, je crois qu'il y en a autour de la table qui n'ont jamais écouté. Audrey, je crois que tu m'as dit que tu avais écouté le début. Oui, puis je me suis ennuyée. C'est la pire. Coup, j'ai chiant. C'est vraiment pire que de dire j'ai jamais écouté. Quoi. Elle a, en fait, au bout du 16e applaudissement, elle a fait OK, j'arrête. C'est vraiment chiant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le principe, nous allons d'abord faire un petit tour de table pour que vous ne me partagiez avec moi, mais aussi avec les auditeurs, la dernière fois que vous avez kiffé quelque chose de culturel et d'artistique, que ce soit un film, un livre, une pièce de théâtre, un one-man show, une vidéo YouTube, pourquoi pas, une nouvelle, peut-être du parquet que vous avez trouvé agréable au toucher récemment. Non, parce que récemment, c'était les Césars et les Oscars. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé autour de la table les Césars et les Oscars? Les Césars, oui. Les Césars, t'as regardé? Ouais, bah je suis corporate avec les copains. Vous étiez nommé dans un truc? Ah non, pas du tout. Ah, les copains du cinéma français. Ouais, Pierre Ninet, merci, tout ça. Bah, on fait le même métier, mon pote. Est-ce que tu as apprécié cette cérémonie? Est-ce que tu l'as trouvé... Pour le coup, j'ai été très agréablement surpris par Jérôme Commandeur, qui est un mec qui me fait beaucoup rire, et je l'ai trouvé super bon en fait dans cet exercice. Il a fait ça avec second degré, avec des connes, il l'a bien maîtrisé. Complètement. Voilà. Pour m'investir à fond quand même dans ce podcast, parce que voilà, vous avez, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, il a été réclamé ce podcast, pour m'investir à fond, j'ai dépensé de l'argent dans une carte UGC illimitée. Donc comme tous les gens qui ont des cartes UGC limitées, je peux maintenant me revendiquer critique ciné et je pourrais presque lancer un petit vlog où je pourrais donner mon avis sur des petits films. C'est bien des extraits de films à la radio, c'est intéressant, ça. C'est on va pas le faire, on va pas le faire, on va pas le faire parce qu'on a pas les droits et on peut vraiment se faire couper les trucs très vite. Non, je vais juste vous dire une chier de film que j'ai vu en vous disant j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé, d'accord? Bah ça va être cool. Non mais c'est pour donner, c'est pour vous donner une espèce de petite température. Alors on devine. Tu peux deviner peut-être, mais après moi je suis assez indulgent et du coup je mets que des notes moyennes. C'est jamais fou. C'est genre un prof de musique un peu, tu vois. C'est... Bonheur, quoi. T'es mauvais, 11, allez. Putain, alors pardon, on n'arrête pas de mini parenthèse. On fait des digressions. On fait des digressions. De toute façon, on n'a rien à dire. Donc. C'est vraiment, tu viens de mettre le doigt sur ce qu'est ce podcast. Hein, vraiment. C'est vrai, bah oui. Oui, apparemment, la flûte, ça n'existe plus. J'ai fait un repas de Noël avec mes petites cousines et elle m'a dit non, on fait pas de flûte en musique. Elles ont quel âge? Elles ont 27 ans. Et elles sont encore en CE2. On fait plus de flûte. Non, mais c'est non, du saxophone maintenant. Faut acheter un saxophone chacun. C'est super lourd. Et dans le sac à dos, dans le e-pack. Ouais, c'est ça. Un investissement, mais celui qui perce avec ça, il cartonne derrière. Il fait une très belle carrière. Non, il n'y a plus d'instruments. Il n'y a plus du tout d'instruments musicaux. Ah, bah c'est con en musique. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, mais c'est pas juste dans leur école à la campagne. Bah, je pense pas parce que c'est. Mais si, il y a eu des soucis, je crois, dans cette école avec la flûte. Il y a eu des accidents de flûte. Il y a eu des gros accidents de flûte. Du coup, j'aimerais la vie de l'enculeur. Bon, tout ça pour vous dire que, alors, j'ai vu John Wick 2. T'as aimé bof. Avec Keanu Reeves. Ouais, c'était pas très bien. C'était même... Alors, attends. En vrai, c'était nul. Moi, j'ai une question. John Wick, on est d'accord que l'histoire, c'est il venge son chien. Oui, c'est ça. Le 2, c'est pareil? Il venge alors, son chien? Alors, le 2, non, en fait, à la ça, fin... Ça gerbille. Il est moins énervé, du coup. Non, en fait, c'est pas super important. Il fait, en fait, c'est un livreur Colissimo. C'est quand même 15 balles. Il y a un livreur Colissimo qui a complètement perdu son paquet. Ça a beaucoup énervé. Et il flingue tous les mecs de Colissimo. S'il faisait ça, je trouverais ça pas mal. Pas, moi, je paierais pour voir ça. Non, en gros, faut avoir vu le 1 pour comprendre un peu où va le 2. Mais en gros, il finit de venger ce qu'il a commencé dans le 1. Ah, donc le 1, déjà, il fait pas non, de boulot. Non, en gros, il dit il y a un oncle, machin. Donc ça, c'est le tout début. Waouh. Et ensuite... On lui crame sa maison et du coup il est pas content. Ah ouais. C'est parce qu'on lui crame sa maison. Ah donc il y a quand même. Oui. Non non, on lui touche sa maison. Et dont la gerbille qui était restée à l'intérieur. Dont la gerbille qui était dans sa cage, qui n'est pas contre le feu. C'est quoi le mot? J'ai oublié le mot. Inifugé. Inifugé. Inifugé. Avec un accent. Les Fujis. C'est les Fujis le nom. Inifugé. I-G-N-I. Killing me softly. Alors attends. Comme Fujis. Inition. Inifugé. C'est un blind test, j'ai pas compris ce qu'on fait. Non. G-N. I-G-N. Inifugé. Les Fujis. Non, c'est un petit bac. I-G-N. C'est un petit bac. Inifugé. C'est dingue ça. Bon, je continue moi, mon petit. Nous, on va discuter de. Coupe ton micro, juste où on discute entre nous. C'est dangereux. J'ai vu Split. Ah oula, ça dit quoi ça? De M. Night Shyamalan. Et ben en fait c'est pas mal. Alors en gros je l'ai j'ai... Non je rigole, en fait c'est nul. C'est, j'ai fait un twist à la Shyamalan. C'est un twist à la Shyamalan. <C'est... rire> Non en gros en c'était gros... nul depuis le début. en fait c'est toute bien Toute ma carrière était nulle en fait, ouais. En fait le film est bien. Et à la fin Shyamalan il fait non c'était nul depuis le début. Allez niquez-vous, y'a pas de fin. Waouh, ah balèze. Il nous a vraiment eu. je l'ai dit sur Snapchat, mais bon, il n'y a pas tant de gens que ça qui me suivent, donc je vais le répéter. Puis désolé si vous l'avez suivi. Ils ont 13 ans. Ils ont 13 ans. je suis sorti en me disant c'était pas ouf, mais tout le long j'étais à fond, donc je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment où tout le long t'es dans le film et quand ça se finit tu fais. Bah si, c'est quand il n'y a aucune profondeur dans le truc quoi. Et bah il n'y a aucune profondeur dans ce truc. J'ai l'impression que vous parlez d'une relation. Et James McAvoy là-dedans, qu'est-ce qu'il donne, hein? Le comédien James McAvoy, alors le comédien est très bien, mais alors il y a un délire, c'est pas vraiment un spoil, mais ils disent sur l'affiche qu'il a 23 personnalités, mais dans le film il en a 4. Donc, donc tu te dis que vous n'étiez pas obligé de dire qu'il en avait 23, parce qu'il en a vraiment 4. Donc il a l'enfant, la mère, le père et le mec cool. Il y en a 3 qu'on voit vraiment pas souvent, donc c'est vraiment une en fait à la base. Juste à un moment il s'énerve un peu. Il y en a 3 qui sont décédés. En fait, il joue un comptable. Depuis... En fait, c'est vraiment ça. Non, et est-ce que je le dis? Non, je le dis pas. Ah, mais... Pas de spoil, hein, surtout. Non, non, pas un spoil. Aïe. Surtout sur du Shyamalan. Ah bah, c'est... Mais il fait un truc un peu foufou, d'ouverture d'univers, de films qui se croisent. Et ah ça, oui, c'est cool. Tu m'as dit. Et ça, c'est un peu plaisant. Ouais. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les Tuches. Il y a un crossover avec Les Tuches prévu. Avec Brice 4, justement. Il croise, ouais, il croise Les Tuches. Bah, c'est dans le prochain Tuche. Bah, il dit. Il dit, c'est avec Brice, il dit, je t'ai cassé. Il fait, bah non, je suis incassable. Shyamalan. Oh la vache. Crossover. Non, mais ça, c'est quand même. Elle est pas mal. C'est du génie. Voilà, bah, merci. Le mec, il fait une moue, genre. Je finis mon petit tour d'horizon. J'ai vu Silence de Martin Scorsese et c'était très très bien. C'était un peu long, mais c'était vraiment bien, très beau. Déjà, la bande-annonce est longue, oh, je trouve. C'est une demi-heure. Oh, là, on dirait un clip un peu. Ça dure chelou. 3 heures, mais ouais. Ça parle du rapport à la foi. Et des gens qui imposent. Je rappelle que Dieu n'existe pas. Ah oui, du coup. À partir de là. Non, il parle des gens qui justement. Les gens qui imposent leur foi via des guerres, via des croisades, via parfois juste le fait d'en parler à d'autres en disant mais tu devrais croire ma religion. Enfin. Sans spoiler, est-ce qu'il est contre la guerre? Il y a un petit message un peu bourrin sur les gens qui tuent d'autres gens. Ah ouais. Où il est plutôt contre. Il est radicalement contre. Voilà. Donc, okay. Non, mais c'est toujours. C'est un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moonlight, qui a eu l'Oscar du meilleur film, des gens l'ont vu, non plus. J'en avais même pas entendu parler. Vraiment, ouais. Du principe qu'on n'a rien vu. Okay. Fidèle à mes habitudes. Vas-y, mec, roule. Je ne vais jamais au cinéma. Tu as parlé de la soupe au chou à un moment ou pas? T'as rien vu depuis, donc. Bon bah Moonlight c'est très bien, mais je vais pas passer des plombes dessus du coup, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Vidocq? On peut spoiler Vidocq. Alors j'ai vu Vidocq. Je rappelle quand même le twist de fin de Vidocq. Bah. Donc c'est Guillaume Canet qui donc fait une enquête sur l'homme qui a tué Vidocq. Et qui parfois va même enquêter tout seul. Ouais, il enquête sur les lieux tout seul, c'est-à-dire qu'il voit un crime, il y va, il réfléchit, il se dit mais putain c'est fou, quelqu'un a tué, c'est le tueur de Vidocq, l'alchimiste il s'appelle dans le film, a tué cette femme. Je suis tout seul, elle l'a tué, je regarde, c'est terrible. Pour que le twist de fin, c'est en fait le tueur, c'était Guillaume Canet. Wow. Donc il enquête tout le long sur lui qui a tué des gens. Donc, mais il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui et il enquête. Et il veut tout faire seul, style d'être auprès des gens, mais il y a personne. C'est-à-dire qu'il est au milieu d'une place en se disant mais qui a pu faire ce crime? Oui. Et parce qu'il faut préciser, c'est pas genre il a deux personnalités, il s'en rappelle pas. Hein, il le sait. Il le sait. C'est comme si Columbo tuait une meuf et disait putain mais qui a fait ça? Qui a fait ce truc? Et il se le dit tout seul. Donc il en parle pas à d'autres gens pour dire. Il en parle un peu à d'autres gens, mais il y a plein de mauvaises langues du coup. Voilà. Non mais il y a des moments. Pas tout dans le film. Il y a des moments où il va enquêter tout seul alors qu'il pourrait juste dire bon bah je vais dire que j'ai enquêté. Je vais faire genre. Puisque c'est moi qui ai tué cette personne, je sais. Je vais faire un risotto puis je dirais j'ai été voir, mais j'y suis pas vraiment allé. Vidocq, premier film tourné en numérique. C'est d'ailleurs, ça. Pour l'anecdote. Exact. D'ailleurs, premier film au monde. T'es là en ciné. Premier film ou premier film où Depardieu fait du kung-fu aussi. Et malheureusement le dernier. Et ouais. Et premier et film produit par Dominique Farrugia. Ah oui. Ah bah tiens. Par Rigolo Film 2000. Je jure que c'est vrai, c'est le nom de sa boîte. RL2K, c'est devenu après, mais à la base ça s'appelait Rigolo RF2K et à la base ça s'appelait Rigolo Film 2000. Après Rimka du 113 après. Sinon j'ai vu Lego Batman le film, c'était très bien. Il paraît que c'est super. C'est très bien. Il y a la voix de ma copine, C'est vrai, dans la VF, il y a Natou qui fait Batgirl. Oui. Et bah moi je l'ai vu en VO, donc je peux pas juger Natou. Mais je suis sûr qu'elle est très bien. Ouais. Il paraît que Griezmann c'est terrible, mais elle c'est très bien. Ouais. Bah là c'est de la radio, donc tu mets ta main devant ta bouche en ouvrant grand les yeux, ce qui n'est pas méga radiophonique, mais en tout cas t'as l'air choqué. Et comment se débrouille Wartek? Moi j'écoutais beaucoup Natou, essentiellement Natou. Elle s'en sort bien. C'est vachement bien. Et sinon je suis allé voir Triple X 3, qui était bien. Qui était vraiment bien. Et alors, un moment d'introspection particulier. Je vous invite à vous dire ça la prochaine fois que vous verrez un film avec Vin Diesel. Il est devenu Vincent Lagaffe. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de vieillesse et de muscles qui sont un peu tombés par l'âge, malheureusement, et un petit crâne chauve quand même, qui fait qu'on dirait Vincent Lagaffe. Une fois que t'as ça en tête, ça donne une nouvelle dimension au film. Donc t'as l'impression de voir le Baltringue 2. Et voilà, et ça fait plaisir. Il est plus très super pour du diesel. Allez, je me casse. C'est con parce que je voulais te lancer sur une imitation de Vincent Lagaffe que tu fais très bien sur. Bonjour, Émilie. Je ne sais dire que ça. Mon ami Vincent. Bonjour, Émilie, vous avez un casse-croûte? Non, c'est moins bien. C'était beaucoup moins spontané. Et vous avez un casse-croûte, c'est ça que t'as dit? Il l'a dit souvent dans le. Oui. Je suis pas très familier. Non, c'est peut-être Nagui, ça. Je confonds. J'ai un casse-croûte. Pourquoi il parlait de casse-croûte? Un petit ami, un casse-croûte. Jamais entendu ça. Ça, pour le coup, c'est du Vincent Lagaffe. Oui. Je reconnais la patte de Vincent. J'ai jamais entendu casse-croûte. Sur des. En fait, je voulais te demander pour faire un petit jingle Bonjour Émilie que je pourrais lancer dans d'autres émissions. Vas-y, refais-le. Troisième fois, c'est beaucoup. C'est trop. T'es sûr? Parce qu'il y aura peut-être des regrets à la fin. Non. On va vomir après. Et j'ai vu Ouvert la nuit d'Edouard Baird, et pour le moment c'est mon film préféré de l'année. J'ai trouvé ça très bien, très drôle et très fort, et j'aime beaucoup Edouard Baird, comme je l'ai prouvé en le plagiant en début de cette émission. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que vous avez vu des trucs, vous, récemment, qui vous ont plu? Alors j'ai l'impression, pas aussi noche, j'ai l'impression que vous avez été assez peu cinoche. J'ai vu la teub de Méniel, mais c'est peut-être pas assez culturel. Combien? Quelle note sur 10? Oh, y a une fatigue chez Pestel. Le rire est gênant, non, là. Moi j'ai maté récemment Premier Contact. Pourtant c'était sorti au cinéma et j'avais pas eu l'occasion de le voir. Pas que c'est top. Et j'ai enfin pu le voir. Et c'est chouette comme tout. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un film de science-fiction sur des extraterrestres aussi bien foutu. Bon, après j'ai vu une version canadienne que j'avais piratée, donc ça m'a un peu gâché le plaisir. Mais sinon très bien. Bravo, continuez, Monsieur Villeneuve. Bah, il nous écoute en plus. Donc, bravo, Denis. Ah, oui. Le ciné nous écoute. Teddy, est-ce que tu as goûté un petit peu le sein de l'artistique récemment? Des trucs qui sont sortis il y a moins de 5 ans ou non, pas que, en vrai, c'est ça qui est chouette avec cette émission. Ça peut être vraiment un très vieux truc, on s'en fout. Bah, oui, vu que c'est la première fois que je viens, je peux en parler de tout ce que j'ai vu depuis que je suis né. Non, on va peut-être pas faire ça, mais peut-être tu peux dire les trucs qui ont marqué. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, un dessin animé qui s'appelle Bob's Burger. Je sais pas si. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez connu, ça fait partie des dessins animés de la Fox, comme tous les mercredis soirs ou un truc comme ça. Ils présentent les Simpsons, les Griffins et Bob's Burger, qui est très très drôle dans l'esprit justement des Griffins, tout ça. Ouais. J'aime beaucoup. C'est drôle. C'est très drôle. Les voix sont très drôles. Vraiment, c'est un beau moment. Je vous conseille. Écoutez, je me régale. Ça se télécharge également. C'est pas dispo sur Netflix ou truc comme ça. Ça se trouve sur Internet. Je crois pas que ce soit sur Netflix. Non, je crois pas. Non. Les Family Guy, oui, mais pas Bob's Burger, je crois pas. Alors peut-être que Bob's Burger c'est sur Amazon Prime Video, mais je veux pas dire de conneries. Ah non, mais les auditeurs pourront vérifier de même. Au pire, ça se télécharge également très bien. Oui, bien sûr. Sur la TV d'Orange, on le trouve pas. Si tu restes faire uniquement. M'étonne ça. Sur Watt TV, c'est possible encore. Ah. Et j'ai regardé une série Netflix qui est sortie pareil, je pense, il y a 3-4 ans, qui est Utopia, que j'aime beaucoup, qui est très très. Pas vu. Ah, ça n'est pas une série Netflix par contre. C'est sur Netflix. Sur Netflix, mais... ouais. Ouais non, mais je fais des raccourcis. Oui, voilà. S'il vous plaît. Je me permets de faire des raccourcis. C'est une série anglaise, je crois, qui est très belle, très bien faite. C'est compliqué de dire de quoi ça parle, donc je vais pas le faire. D'accord. Il y a encore des saisons ou c'est arrêté? Non, il y a eu que deux saisons. Il y a eu que deux saisons. Non, mais je demande au cas où. Il y a eu 11 saisons, parce que vraiment c'est très très vieux. Non, il y a eu que deux saisons, je crois qu'ils vont en faire plus, mais ça s'arrête au bout de deux. Mais d'accord. Très très bien. Utopia, vraiment, je vous le conseille. Et bien les gens peuvent le noter dans leur petit âge. Il le vend très bien en tout cas. Il le vend très bien. Merci. On peut peut-être s'en mater un maintenant. On a le temps ou pas? On pourrait. Audrey Pirot. Friends, j'ai adoré. Bonne série. Bonne culture. Je pense que pareil, ouais. Non, j'ai pas la télé moi chez moi. D'accord. Et donc déjà ça retire tout un tas de trucs. Bah, et t'as un ordos, t'as un ordos. Ouais, j'ai une tablette. Quand tu dis ordos, c'est pas d'un ordinateur. Personne dit ça. C'est comme casse-croûte ça. Et j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle The OA. D'accord. Ah oui, j'ai vu aussi. Et c'est pas alors, mal. Eh bien, j'ai détesté moi. Non. Ah, moi j'ai été pris les. Là peut avoir au milieu, un petit débat intéressant. C'est bien et puis au dernier épisode je fais oh, que je suis en nul. Okay, d'accord, parce que vu. Non, je suis l'épisode 2. Ah ouais. Du coup, c'est peut-être trop tôt pour donner un avis. Tu te permets de conseiller assez vite. Non, attends, est-ce que j'ai dit je conseille? Ah oui, non, j'ai dit j'ai vu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a accroché, tu vois ce que je veux dire? Mais moi ça m'a fait ça, mais genre jusqu'au 5e, 6e épisode, ça va crescendo, genre ah putain, ça devient de plus en plus intéressant et puis après oh chiant. OK. Bah, bon, du coup, quand je regarde. Meurt, en fait, c'est le moment où. Non, je l'ai pas vu. Oh, mais sinon, je regarde les documentaires. Et je sais pas si vous avez vu Last Chance You. Oui, très très bien. Là, alors, c'est incroyable. Peut... Moi, je ne sais pas, je parle pas anglais. Vous pouvez parler de quoi ça parle. Ok. Audrey, ouais. Chance, toi, alors, c'est très simple. En fait, c'est des garçons qui ont fait leur bac aux États-Unis. Et en fait, ils jouent aussi au football. Et vu qu'ils sont de piètres élèves, je crois qu'on peut. Ouais, des garçons, quoi. Non, écoute, il y en a pour tout le monde. en fait, ils peuvent pas avoir accès aux universités. Prestigieuses. Exactement, dans lesquelles ils aimeraient jouer au foot. Parce Ball. Qu'ils sont de. Voilà. Mais t'as raison de préciser parce qu'il y avait déjà des messages alors qu'on en différait. Et en fait, du coup, ils vont dans une université un peu de transit. Hein. Adrien, arrête-moi si je me trompe. Mais pas du et tout, bah, vas-y, fonce, t'es sur l'autoroute. En rapport avec les intestins. Et en fait, oh. Ils. De transit. Ah, excellent! C'est Activia. C'est sponsor. Hein. Le mot-clé. Là, c'est Vitel Volvic. Voilà, bah, pareil, il faut que je fasse des marques. Un jeu de mots à placement de produit. Et du coup, en fait, ils vont dans une université de transit pour augmenter, enfin pour améliorer leurs notes oui. Et avoir accès à des meilleures universités l'année d'après. Et donc, en fait, c'est sur toute leur saison de foot dans cette université qui, en revanche, a une excellente équipe. Oui. Et c'est chambé. Et en plus, du coup, ce qui est cool, c'est que vu que c'est un documentaire, et ben en fait, moi, je suis sur Snapchat les mecs de l'équipe. Ah. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est quoi l'histoire? Tu suis l'équipe. Déjà, c'est un documentaire, donc voilà. Y a pas d'histoire. Ah oui, bah, fais pas chier, regarde. Ça peut être un docu-fiction, mon pote. Non, mais c'est un vrai docu. Non, c'est un vrai docu, ouais. Non, mais d'accord. C'est très. Ouais, c'est vraiment très bien. Et c'est bien mieux que ce qu'on pourrait croire en. T'es immergé dans cet univers. Parce que quoi. Moi, j'aime pas spécialement le football américain. Parce qu'on parle de football américain, évidemment. Ouais. Et en fait, c'est vraiment juste. Bah, c'est et non, juste pas de soccer. Histoire, et non, pas de soccer, bien sûr. Et c'est une belle histoire humaine, quoi, surtout. C'est très émouvant. Et bon, t'as tout vu ou pas? J'ai tout vu. Il ouais, y a la petite larmichette à la ah, fin. J'ai chialé, ouais. Ah, ouais. Et alors, du coup, je te conseille Intrépide sur le rodéo. Et là, on se dit pourquoi là, aller non, regarder non, tous mais, les documentaires que, et attention, il y a un animal là, qui est abîmé. Et ça, Adrien, il n'aime pas. Quel animal abîmé? Dans le rodéo, tu vas me prendre alors, pour une alors, c'est bonne l'humain qui est abîmé, mon pote. Alors, t'as rien compris au rodéo. T'es complètement à côté de tes sabots. C'est une phrase qu'on n'entend pas beaucoup dans une vie. Les petits aiguillons pour exciter les bêtes. Il n'y a pas d'aiguillons. Mais regarde Intrépide. Mais c'est de la propagande. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est assez similaire au nazisme peut-être? C'est la même chose pour moi. C'est exactement pareil. On peut faire ce parallèle. Si vous mangez un steak, vous êtes Hitler. Voilà. Alors, moi j'ai regardé sur Netflix une série documentaire. J'ai pas encore tout vu, mais ça s'appelle Abstract. J'en ai parlé sur la twittosphère. Déjà, le nom est chiant. Alors, c'est pas pour tout le monde, je pense. Même si c'est réalisé de façon à ce que ce soit le plus attrayant possible. Mais en fait, ça parle de design en fait, au sens large. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est sur Christophe Niemann, qui est un illustrateur, donc qui fait du dessin, quoi, tout simplement. Au final. Qui a fait moult couvertures du New Yorker. Batman, etc. Est-ce qu'il a fait Batman? Il a fait Batman Begins, c'est ah lui oui. qui joue Batman. Ah ouais, donc pas, bon, je suis pas hyper dessin, calé du coup. Non, il a une deux carrières, ouais, il a une petite incartade de cinoche. Okay. Pardon, il a, je voulais pas te couper. Il a joué Alfred dans Batman Begins. Alors, d'accord, okay. Non, et bah, en fait, moi, par exemple, le deuxième épisode est sur l'architecture. Et oui, l'architecture. Et je me suis dit, ah, je vais en avoir rien à foutre. Et ben non! Ça m'a passionné aussi. En fait, c'est justement ça qui est intéressant. C'est, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu me juges sur le rodéo, mec? Pourquoi? Bah attends. Il y a des pierres maltraitées. Non, mais ils construisent pas des animaux, des bâtiments avec des animaux morts. Ah ouais, et les êtres humains qui sont peut-être dans des conditions abominables. De... Peut-être. Non, mais c'est des chantiers propres. Ça va. Des... Non, mais voilà. Il y a, par exemple, le premier, donc c'est sur un illustrateur, il y a un architecte, une scénographe. Une graphiste, enfin il y a plein de trucs. Et il y a aussi, oui non, le deuxième épisode c'est sur le mec qui design les baskets Nike. C'est vrai, bah oui. Bah c'est moi. D'où je connais ce gars? Non, c'est moi depuis le début. Non, mais depuis le début, c'est mon idée, voilà. Les virgules. Très intéressant et voilà, je recommande. Si... Voilà. Très bien, tout ça c'est sur Netflix. Ça c'est sur Netflix. J'ai l'impression vraiment qu'on conseille beaucoup de choses sur Netflix à chaque fois. Mais Netflix, mais ça y est, c'est l'Eldorado, c'est le nouvel Eldorado. Qu'est-ce moi je vous le dis comme ça, si un jour je dois faire une pub, bah ce serait pour Netflix. Je préfère vous le dire tout de suite. Non, mais d'ailleurs, là voilà, on parle de Cinoche. Bon, il y en a qui ont les deux pieds dedans. Mais et on parle de Netflix et d'Eldorado. Il y a quand même une news de fou, c'est que le prochain Scorsese, c'est une exclue Netflix. Oui, j'ai vu ça. Et il sort sur Netflix, il sort pas aussi Cinoche. C'est tout. Et c'est du Scorsese à base de présence de De Niro, apparemment, et dire comme ça. Ouh là là. Eh ouais, mon pote. You fake my wife. Excellent. C'est De Niro. Ah, c'est De Niro. Ouais. D'accord. Dans la VO. You're talking to me. Là, c'est. Wow. Là, moi, je regarde en VF, donc je me rends pas compte. Non, c'est très. C'est similaire. Okay. Alors, comme à l'accoutumée dans Floodcast, on passe ensuite au thème de l'émission. Alors, j'étais bien embêté parce qu'en fait, on a eu des changements d'invités. On a eu des trucs. Je me disais, c'est pas pour rien qu'ils m'appellent juste le jour même. C'est trop bizarre. Mais parce que tu étais déjà venu, Julien. C'est pour ça, je me suis dit, voilà. À Guillaume la base, Canet avait annulé, c'est ça. Guillaume Canet, s'il te plaît, était en train de rire. Il était en train de rire de son image, donc laisse-lui ça. Oui, donc le thème de cette semaine a été décidé assez récemment, pour ne pas vous dire 42 minutes avant là où je suis en train de parler. On voulait parler du premier amour. Oh là, le premier amour. C'est moche. Ça a mis 2 secondes à arriver, mais c'est très agréable. Tu n'as pas ton casque. Je parlais évidemment du premier amour humain, le premier amour avec un garçon, avec une fille, avec une plante, pourquoi pas. L'impact que ça a l'impact que ça laisse en soi, et surtout comment on voit l'avenir, parce que c'est vrai que maintenant on est un peu une génération qui avons peut-être pas peur de l'engagement, mais en tout cas on fait attention, on est un petit peu moins sûr de nous. La génération non. On est la génération non. Et le premier amour, c'est souvent le premier l'amour qu'on imagine, j'ai envie de dire, infini, qui durera toute la vie parce qu'on est jeune. Qu'on est jeune, une très belle chanson de Benny B. Pourquoi? Parce qu'on est jeune. Après du scratch. Après, ça met de la salopette et voilà. Bizarrement, pas la plus connue. Voilà, mais moi j'ai une petite culture Benny B. Ils avaient des poupées Bart Simpson accrochées à la salopette. Oh, dis-moi. Ouais, ouais. Mais je crois qu'on peut te retrouver dans ton podcast B2NY Podcast. J'ai pas de suite. Voilà. Moi-même, je suis un peu parti dans un truc où j'étais pas sûr. Donc le premier amour. Alors est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que vous pouvez des fois, on peut commencer tout simplement. Quel était le prénom? Qu'est-ce que faisait la personne? Est-ce que vous vous souvenez, Audrey, par exemple? Non, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que tu fais en référence? Ouais, c'est vrai, mais parce que j'aime. C'est mon côté, bon élève. Est-ce que c'est la première personne à qui t'as fait un bisou? Mais pas forcément. Est-ce que non, parce que moi je suis encore avec. C'est la première avec qui j'ai fait un bisou. Ou est-ce que c'est celle dont t'es tombé amoureux? Ou est-ce que c'est celle avec la première fois il y a eu une vraie histoire? Non, mais tu l'as enculé. Voilà. Il y a eu le sniper. J'ai l'impression qu'on passe à l'ère de l'enculeur. Qui est présent. Je baisse les avec armes. Avec du beurre, mon pote. C'est que de l'amour. Non, mais justement, on peut parler des différentes phases. Parlons déjà de la première fois où on est tombé amoureux de quelqu'un, où ce n'était pas forcément réciproque, mais on s'est dit, tiens, Audrey, est-ce que tu te souviens du prénom de la première personne où tu t'es dit, je crois que je suis amoureux. On enlève évidemment papa maman, sans vouloir faire des blagues, mais c'est vrai que souvent, de premier amour, c'est papa ou c'est maman. Enlevons ces deux personnes. De l'Oedipe. Je parle de l'Oedipe. J'adore Electra. La philosophie. Bien deep, ouais. Ouais. Alors Audrey. Excusez-moi, ouais, vous êtes Beaufman. Enlève ton masque, Beaufman. On t'a reconnu. Même Julien, il sait plus quoi en faire de ce truc. Il sait plus s'il utilise l'enculeur ou non. Je le trouvais. Parce qu'il aime bien. Je sais pas trop où le caler, c'est ce que je veux dire à mon pote. Ah, tiens sur mon doigt, connard. Ce qui est un peu triste, c'est que j'ai tiré au cas où. Tiens sur mon doigt, connard. Par réflexe humain, il m'a tendu sur moi, j'ai vraiment tiré. Nous parlons d'amour, s'il vous plaît. Ouais. Non, c'est sympa de me relancer. Alors, donc, Audrey, le prénom Ludovic, j'étais en CP. Alors, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, bah, il était en CM, hein, le gars. Expert comptable. Tu vois, un gros taf. Très fort. Expert comptable. Très doué, le mec. Comment ouais. Est-ce que tu te souviens, c'était il y a longtemps du coup, mais est-ce que tu te souviens ce qui a pu te plaire? Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il avait du charisme? Est-ce qu'il avait un plus en Waikiki CM1, ouais, chaud, non, tu vois, dans la cour. Non, je crois que j'étais. Non, j'aimais bien ce qu'il dégageait, j'aimais bien son essence humaine, tout simplement. J'étais en CP, donc hyper influençable. On n'a pas dit CM1. Lui était en CM1. Ah, ouais, donc plus âgé. Ouais, j'ai tapé dans l'adulte. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mec mature. Un mec un peu plus mûr, ouais. En CM1, t'as quand même 2-3 bagages. Ouais, déjà, ouais. Tu maîtrises les multiplications, bah ouais. Parce que tu ne fais pas en CEP. Ouais, c'est vrai, exactement. En vrai, on rigole, mais entre le CEP et le CM1, il y a une vraie. Ah bah c'est énorme. Bah déjà, tu sais lire, donc. <C'est déjà> si tu veux, moi, je galérais. Avec... Tu mélanges pas les dizaines et les unités. Quoi. Peut-être il se permet déjà. À cet âge-là. Peut-être c'est ce qui lui a plu. On ne sait pas. Donc voilà, Ludo. J'étais. Ouais, Ludovic, j'étais. Je l'aimais, quoi, tout simplement. Et alors, est-ce que c'est une idylle, enfin une idylle, un amour, une volonté qui a duré un peu de temps ou pas du tout? C'est mort dans l'œuf. Ah, c'est mort. Il a dit non. Parce non, que filles, j'ai c'est eu nul. Ce truc horrible qui arrive normalement, jamais, enfin toujours, je ne sais pas. Non, mais du coup, en fait, j'étais donc très amoureuse de lui. On était dans la cour de récréation et dormait. Ce que vous faites, vous dormez, moi je vous raconte l'histoire. Non, raconte, tu vois, c'est le principe de cette émission. Ouais, non, mais vu, je t'as sais pas écouté si que c'est... 16 secondes, donc enfin, tu peux pas savoir. Mais les gens qui écoutent l'émission aiment ce genre de moment. Ok. Et du coup, donc j'étais dans la cour, on jouait à l'épervier et tout, et que je te touche. Et c'était vous bien. Voyez. L'épervier, c'était déjà, bien. On était sur une relation quasi semi-sexuelle, quoi. Et je te touche. Carno-sexuelle, bah, on peut oui. dire, ouais. Et du coup, là, je me dis, oh là là, il veut jouer avec moi, c'est sûr, ça va être trop être mon amoureux, parce que après tout, on est en train de jouer à l'épervier, tu vois. Excuse-moi, il envoie des signes moi, plutôt avant-coureur. On est d'accord, ouais, on est tous, ok. Moi, je drague comme ça encore aujourd'hui, donc je pense que c'est un signe. En boîte, tu proposes des éperviers. Les balles aux prisonniers, c'est bon, c'est chiant, mais faut s'organiser, quoi. Il prend le micro du DJ. En épervier, putain, mais laissez-moi. Et du coup, voilà, je me dis, oh là là, c'est trop bien. Et là, ma fausse copine de l'époque s'approche de lui, lui dit un truc. Et là, le mec vient vers moi, donc en courant. En plus, c'est ce truc con parce qu'il vient, je fuis. Donc, déjà à l'époque, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Tu vois, donc je cours. Le mec arrive à me rattraper et il me dit, c'est vrai que t'es amoureuse de moi? Aïe. Oh, mais là, c'était horrible. Coup de pression. Et là, c'était affreux. Mais parce le mec que... est cash. Ouais. Il joue pas. Non, il avait attends, pas le temps, le dos. Je t'ai dit que c'était un vrai mec, tu vois. Il le joue mec pas le délire du je réponds pas au texto, nanani, nanana. Il était au-dessus de tout ça. D'accord, tu vois, il a pas ça à foutre. Ouais, ouf. Ouais, okay. Et du coup, là, je suis devenue rouge de honte, je crois. Et après, elle l'a sucé. Et donc, alors, pardon, je me permets de recentrer un petit peu le débat. Je me permets. Donc oui, tu es devenue toute rouge. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Toute rouge. Et du coup, là, il y a eu la sonnerie. Merde. Et je ne l'ai plus. J'ai essayé de l'éviter tout le long du reste du vraiment. Tu lui as même pas répondu? Non, jamais. Oh là là. Non, t'as arrêté l'école à 5 ans du coup. C'était. T'es parti dans la vie active. T'es parti à la mine. Après, le même mec a fait ça. Moi, j'ai un truc comme ça aussi à l'école primaire. Ah. Mais je crois que j'en avais déjà parlé de ça la dernière fois que j'étais venu. J'étais fou amoureux d'une jolie petite fille blonde aux yeux verts qui s'appelait Laure. J'étais au CP et j'ai été amoureux d'elle pendant peut-être 2 ans ou 3 ans. Et je me suis décidé qu'en CE2 ou CM1, je ne sais plus, aller la voir pour lui dire. Donc autant te dire que j'avais beaucoup de bagages émotionnels en moi. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai traversé la cour. Je me suis dit, ok, c'est la journée, là, c'est mon jour, c'est maintenant que ça se passe. Et je suis arrivé devant elle et je lui ai fait, Laure, je t'aime. Et elle m'a même pas regardé. Elle a fait, ouais, je sais, ouais. C'est horrible. Et je suis reparti. Tu l'as pêché. Oh, l'horreur. Parce qu'en fait, tout le monde le savait que j'étais amoureux d'elle, même elle. Oh. Et j'étais le seul à. Enfin, voilà. En 3 ans, ça a pu fuiter. Ouais. Oui. C'est vrai que bon. Tu la suivais. Enfin, on va pas revenir sur les événements parce que maintenant il y a un juge. Mais à l'époque, les gens voyaient ça, quoi. C'était assez visible. Lors, et puis voilà, du coup, fin de l'histoire. Oh, c'est resté comme ça, mais je suis resté amoureux d'elle quand même jusqu'à la fin du primaire. Ouais, ouais, je me rappelle. Elle est morte. On peut l'appeler sur Skype. On peut faire un FaceTime avec elle si on a envie. Non, elle vit en Italie aujourd'hui, je crois. Oh. Ah, donc ouais. Tu l'as bien stocké quand même. Suivi. Je crois. Je suis sûr qu'elle vit en Italie. Je connais son adresse. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Sardaigne, plus exactement. Dans le petit village de Monticello. Pensez à tourner la pelouse. Ça fait une semaine que ça pousse. Vous voyez le McDo derrière, voilà, derrière le McDo. Voilà. Adrien. Mais moi, j'ai pas tant. Enfin, t'as me pas rappelle... aimé. T'as un cœur de glace, t'as un cœur de pierre. J'avais pas le temps. D'abord moi, les études. Moi, c'était le hip hop, moi. Non, je me rappelle du prénom de mon tout premier amour, je pense, qu'en maternelle. Elle était d'origine indienne. D'accord. Elle s'appelait Nirmala. D'accord. Voilà, bro, Bah, en fait, le truc, c'est que, comme souvent, pendant très longtemps dans ma vie, j'étais amoureux et puis, voilà, je faisais rien, quoi. Je ne faisais rien de ce sentiment pendant très longtemps. Tu te dis, tiens, j'ai un sentiment amoureux, je vais le garder pour moi et ne jamais l'exprimer et être triste. Voilà, c'est comme un tuto, mais fallait payer pour avoir la suite du truc. C'est, étape 1, soyez amoureux et puis il faut payer pour avoir la suite. J'ai jamais payé. Donc, après, il faut parler aux gens et oui, tout. Je savais pas. Fait la démo jouable, voilà, t'as fait le niveau 1. C'est ça. Donc, non. J'ai eu une amoureuse en primaire qui s'appelait Carole. D'accord. Et mais en fait, elle avait. La meuf avait 50 ans. Du coup, parce qu'elle s'appelait c'est Carole. C'est pas ça le problème, quoi, principalement, c'est l'écart d'âge. Mais oui, voilà, ça n'a pas duré. C'était mon instinct en prison. Il y avait un peu un conflit d'intérêts. Elle a été licenciée et emprisonnée. Donc, non, elle s'appelait Carole. Et elle avait un truc, c'est qu'elle avait elle avait plusieurs amoureux, elle. Ah bah tiens. Elle était polyamoureuse. On en connaît, t'inquiète. Elle était très en avance sur son époque. Sur sa génération en fait. Voilà, elle n'avait pas verbalisé, elle n'avait pas le terme polyamoureuse, mais bon voilà. Ouais, ouais. Et elle avait une. Elle était free. Oui, j'ai une belle montre, mon con. Ça brille. Oui, n'en parlez pas à la radio. Mais oui, donc elle était plutôt libre. Et elle avait une liste. Et elle avait une liste d'amoureux. En fait, tu pouvais monter ou descendre dans le classement. C'était un classement plus qu'une liste. Est-ce que c'était une bombe par rapport. Alors, je remets dans son contexte de l'école primaire. Elle avait des seins de ouf. Non, mais est-ce que vraiment tous les garçons étaient amoureux et elle a dit bon, faut que je m'organise alors, là, c'est pas possible. En fait, le truc, c'est que. En tout cas, pour moi, et je pense pour beaucoup de garçons en primaire qui sont pas encore très évolués émotionnellement, etc., qui découvrent un peu. L'amour et les filles. Ludovic était très au fait. Je pense qu'il était plus au fait à l'époque que moi maintenant, si tu veux tout savoir. Mais non, mais en gros, si une fille te dit, en fait, on est amoureux de la fille qui a un amoureux, tu dis, si elle potentiellement elle est amoureuse de moi, je suis amoureux d'elle, ok, ça marche quoi. Ouais. Et du coup, je pense que les mecs étaient se disaient, je vais être amoureux d'elle, puisque apparemment il y a moyen d'avoir une amoureuse quoi. Okay. Et du coup, c'était un peu ça pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas souvenir d'avoir été vraiment amoureux d'elle, mais j'étais content d'avoir une amoureuse. Oui, j'ai été normal, premier normal. Au classement. Oh. Ah ouais, d'accord. Oh. Voilà, pas. Ouais. Dans mon souvenir, en pas longtemps. Des ventes, mon pote. Que des numéros 10 dans ma team. Du voilà. Coup, on est bien d'accord. Voilà. Et et puis elle m'avait prévenu. Elle avait dit au fait, t'es passé numéro 1 et tout. J'étais, putain, mon pote et tout. Derrière, t'as rencontré son père. Non, mais je me rappelle d'un truc assez. C'est qu'elle m'avait écrit un mot. Alors. Je rappelle, c'est les années 90. Hein. Quel mot. Et j'étais vêtu d'un survêtement fluo. Et elle t'a dit salut fluo kid. Moi j'aurais adoré, mais non. Et elle m'avait envoyé un mot, elle avait écrit en fluo tu es beau. Oh. Un peu mignon. Et un peu insultant. À l'époque j'étais plutôt content. Et comme moi j'avais un peu une verve, j'étais pas mauvais. J'avais pris le mot, j'avais barré beau, j'avais écrit belle. Et je lui avais rendu, genre, tiens, un mot pour toi. Et donc, elle a ouvert le mot. Déjà, elle a dû se dire, c'est mon mot, connard. Elle me l'a pas dit à moi. Et elle m'a dit cette phrase qui était très vraie, qui était, je suis pas en fluo. Et j'ai dit, Ouais, bah même. Et là, je pense que je suis vraiment. Je suis sorti du classement ce jour-là. J'ai vraiment vu dans son regard qu'elle a dit ok, toi, tu dégages tout de suite. Dès que j'ai un stylo bic, je te raye de la liste. T'as fait ce qu'on appelle un tube de l'été. C'est-à-dire que t'étais au numéro 1 un petit temps, puis voilà. Très vite, t'es parti. J'étais la Socadence. Voilà. T'étais la Socadence, voilà. C'était cool. Wes. En même temps, Arambe. Wes Alan. Alan, oui, pardon. Et oui, mais en même temps, déjà on voit l'auteur qui manie les mots, oui. Puisque t'as barré un mot pour mettre le féminin. Voilà. Déjà, ouais, c'est j'ai fait une V2 de, de ce mot, directeur d'écriture. Et voilà. Donc c'est drôle. Et après, je pense plus. Ça m'a vraiment calmé. Ouais, t'as dit bon, je vais arrêter. Je vais arrêter de communiquer avec le sexe opposé. Puis plus tard, un petit peu quand même. Mais c'est drôle, moi, cette histoire de liste, c'était un peu une légende urbaine pour moi. C'est-à-dire, j'en entendais parler, mais je savais pas que les filles ou les garçons, oui. Je pense des garçons devaient Carole en faire. Carole a vraiment existé. Cette Carole dont tu as entendu Shyamalan. Parler. Non, vous avez vu des listes aussi, vous, dans vos récré, des trucs ouais, non. Moi, j'habite à la campagne, tu sais, donc ça allait assez vite. La liste était de 4. Sa sœur, ta cousine. On appelle ça un livret de famille. Je me demandais aussi à quel. Ah, Teddy, putain, je t'ai pas demandé. Excuse-moi, Teddy, pardon. Mais non, mais parce que les gens. Moi, j'ai vraiment aucun charisme. Hein, vraiment, je me mets dans mon coin. Quoi. Ah, bah, je voulais juste regarder. Du coup, ça m'allait vite. Ouais. Du coup, non. Non, non mais y avait-il une fille ou un garçon, je ne sais pas, qui te plaisait. C'est marrant que tu te poses la question. Alors non, mais je me prends. Mais pourquoi pas, une fois, c'est pas la peine de mettre ça sur le tapis. Non, oui, au CP aussi, une fille qui s'appelait Mélanie. D'accord. Avec qui je suis sorti quand même quelques mois. Allez, attends. En quelle dès la première au CP, ouais. Ah, le mec sort. Alors attends, ouais, pardon. Je suis sorti avec le mec. Première meuf dont t'es amoureux, tu sors avec pendant des mois. Putain, ouais, mais... Tu lui as dit Mel, écoute-moi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée dans le noir. C'est ça. Ouais, là je comprends. En vrai, je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je sais qu'on a Wad. Amour. Oui, c'est peut-être ça. Exact. Oui, j'ai le flash. Là, mais on est resté ensemble quelques mois, on va se tenir la main tous les jours, on se fait des bisous, aime pomper, voilà. Des trucs de gamin. C'est mignon, bordel. Des trucs de gosse. Voilà. On s'amusait. Des trucs zizi avec les doigts comme ça. Ça m'a pas parlé. Et ça, c'est encore aujourd'hui. Ça. Bref, peu importe. Et en fait, après, mes parents ont divorcé en février. Et donc, ça va prendre à pécho des meufs. Et donc, je suis parti vivre avec ma mère. Et donc, c'était là où il y avait mon père qui avait cette fille. Et comme en fait, j'étais quand même vachement timide. Bah, je lui ai jamais reparlé. Ah ouais. Donc ça s'est fait vraiment, je suis parti de l'école du jour au lendemain. Alors que ça faisait des mois déjà, putain. Ouais, ça faisait depuis le septembre à février, un truc comme ça. Ah, quand même. Wow. C'est ma relation la plus longue à jour. Hein. Ouais. Vraiment. Juste septembre, c'est-à-dire que toi, c'est la rentrée, t'as fait hop, une meuf. Ouais. Et c'était, on se connaissait un peu de la maternelle. Ah ok. Oui, et c'était le CP. Et c'était le CP. Oui, c'était le CP. Ah oui, donc CP, donc t'arrives en école primaire, t'as que des grands dans l'école. Tu dis, bon écoute, on est en septembre, j'ai pas que ça à foutre, tu pécho une meuf. Bah, je sais pas comment, hein. Peut-être qu'elle était moche, enfin je sais pas, mais il y avait sûrement un truc, effectivement, avec le recul, ça me paraît bizarre. Bah, non, on m'a raconté ça, c'est pas moi, je sais pas. Non, mais c'est classe, mais sur le coup, c'est classe. Bah, après, ce qui est moins stylé, c'est comme je te dis, mais oui, bah, tu l'as perdu de vue. Bah, non, parce que j'allais la voir, mais vu que j'étais timide, j'allais pas lui parler, quoi. Donc je restais loin. Mais on devient très timide. Ah, ça s'appelle être un stalker, par contre. D'aller la voir, mais rester loin. En vrai, je faisais des tours en vélo devant chez elle au cas où elle sorte, puis elle sortait pas. D'accord. Donc, parce qu'elle m'avait vu sûrement. Donc elle sortait plus vite. Bah, vous avez... voilà. C'est beau, toutes ces histoires. Vous... Et toi, du coup ? Moi bah, j'avais une amoureuse. En fait, c'était une fille d'une amie de ma mère. Et vu qu'elle n'était pas dans mon école, ça me permettait d'inventer. Enfin, il y avait un mini truc, mais rien. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas embrassé. Mais on s'était dit, on est des amoureux, oui. Et du coup, j'ai dit que j'avais une amoureuse à toute mon école. Genre, mais elle est pas dans l'école, les gars. Moi, elle est ailleurs. Ah oui, et ça, c'est le mytho de base, quoi. Et surtout, le mytho qui invente vraiment beaucoup d'histoires et qu'il le fait 4 ans. Qu'il l'a vraiment fait pendant toute l'école primaire. Mais la belle histoire... Enfin, la belle histoire. Mais alors, attends, juste par... Tu sortais vraiment avec elle ou... Non, en fait, je la voyais jamais. C'est juste que le peu qu'on s'était vu... Là, tu sors pas tout seul, déjà. Ouais. C'était la fille d'une amie de ma mère. Qui s'appelait Anaïs, d'ailleurs. D'accord. Et tu la voyais au repas entre amis, quoi. Ben oui, et je crois même que limite c'était un couple arrangé. En fait, je crois que c'est nos deux mères respectives qui se sont dit oh, regarde-les, imagine, et qui nous disaient oh les amoureux, puis on a dû se dire oh écoute, hein, oh les amoureux, oh les amoureux, oh oui, et oh, oui. Car ta mère fait partie de la compagnie avec son ami. Et en fait, j'ai aucun souvenir, mais je crois qu'on nous a dit franchement, vous êtes des amoureux, on a dû se dire ok. Franchement, vous êtes des amoureux. Franchement, c'est... la vie de ma mère, vous êtes amoureux. Et moi, bah pareil, un peu influençable, j'ai dû faire ok, grave. Ça n'a été que du mytho pendant 4 ans. Je me souviens d'un mytho en particulier où j'avais fait croire, je pense que personne ne m'a cru. que t'as avec elle. Mais où j'avais dit en CM1. Ah, c'était en CM1. Bon, non. Marc, oui. Non, enfin, moi, il s'est bien passé. Ouais, il y a eu 2-3 présidents hein, entre. Non, mais tu peux faire croire. Oui. Ça, je veux dire. Bah, moi, j'ai fait croire que j'avais payé le Cinoche. Pour aller voir le roi scorpion à l'époque. Allez. Et déjà bah... fait rue de cinéma. Ah bah, déjà. Et pas n'importe quel cinéma. Ouais. Du cinéma avec The Rock. Et ça vous rappelle que le roi scorpion est sorti il y a très longtemps. Et voilà, c'était ma grosse. Mais c'était un mytho, hein, mais je l'ai cultivé assez longtemps. Et ton mytho, c'était je lui ai payé le cinéma. Ouais. Donc t'avais, en termes d'ambition, peu. Vraiment très très mal. Mais j'ai embrassé ma première meuf à 16 ans, moi, donc t'es gentil. Oui. À l'époque, on était sur un truc. Et surtout, la blague arrive, je la recroise. Fin collège, et je dis, bah, on était des amoureux quand même à une époque. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de retenter? Et la même timidité que petit. Genre, le même truc, comme vous disiez, genre, j'ose pas, alors que j'étais quand même plus grand, j'avais du coup. Lionel. J'ose pas, c'est un. J'ose pas! Je me permets, hein, de. Ouais, non, mais je prends, non, mais... je prends, je l'avais pas. Moi je goûtais ce malaise. Personne n'a compris la blague, j'adorais, mais t'as désolé, bien fait quand même. Non, mais c'était très bien. Il n'a pas ri, mais il l'a comprise. C'est vrai. Et personne n'a ri d'ailleurs. Pas du tout. Ouais. Julien Pestel, 20 minutes d'après. Moi j'étais en train de bloquer là depuis. J'ai un petit AVC là, tranquille. C'est tout. Toute sa partie gauche voilà. Est paralysée. Est-ce qui est drôle. Non mais bon, ce qui est drôle, c'est que il y avait quand même une petite tension. Je l'ai enfin peut-être attends. Je l'ai imaginé. Genre sexuel ou genre une tension en slip. Non mais en fait je prends le relais. Tu mets pas. Non mais je me souviens que sa maman avait une piscine extérieure et que du coup elle était en deux pièces. Et on faisait genre on se coule et tout machin. Bah oui, bah, et j'étais là genre ah il y a un petit truc et bon je n'en ai jamais rien fait parce que voilà hein. Mais du coup c'était drôle que 10 ans peut-être pas 10 ans quand même 6 ans ouais un truc comme ça après et ben bah, toujours dis-nous à se dire pourquoi pas. Donc et aujourd'hui voilà. Encore voilà. Et aujourd'hui encore non je l'ai complètement perdu de vue. Je crois qu'elle est restée en Bourgogne et elle a fait complètement autre chose. Maintenant, elle bosse, je crois, dans une ferme. Complètement autre chose par rapport au collège. Elle fait complètement autre chose que d'être en deux pièces dans une piscine. Elle a autre chose. Je voulais dire que moi, pardon. Alors, comme tu le disais, Audrey, on peut cataloguer différents types de premier amour. Bah, du coup, toi, Teddy, tu nous as déjà un peu dit un truc qui était partagé, puisqu'elle était amoureuse de toi aussi. Enfin, elle était amoureuse comme on pouvait être un enfant de CP. Oui, elle était carrément amoureuse. Là, encore aujourd'hui, elle est comme une ouais. Ouf. Même toi, tu lui as dit waouh, wow, ok, c'est doucement. Elle attends, met des pouces bleus sur la biscotte. Mais... Pardon, mais juste imagine quand même, je pense, comment t'as traumatisé cette meuf. Tu lui as fait le coup du paquet de clopes, quoi. Non, mais c'est. C'est quoi le coup du paquet de clopes? Bah, tu pars, tu reviens jamais. Je vais acheter des clopes. Ouais, mais c'est la faute des parents. C'est un peu la faute des parents, voilà. Parce que moi, j'étais plus dégoûté que mes parents aient divorcé à cause de la meuf que parce qu'ils aient divorcé. Je dis, non, mais c'est vos affaires, mais moi, comment je la pêche chaud, du coup, là, c'est ah trop oui, bah, tard. Bien sûr. Et après, du coup, je suis reparti. Bon, d'autres petites anecdotes, j'étais parti avec ma mère dans une autre école. Ouais. Donc, il y avait d'autres filles. Ah, bien sûr. Qui étaient sympas. Et en CM1, j'étais amoureux de deux jumelles. Oh. Parce que les deux pas du tout... Bah ouais. Bah oui, le mec. Elles se ressemblaient. Bah non, mais par contre là du coup ça a pas du tout marché quoi. Bah non. J'ai dit à mon pote bah va leur dire que je les aime. Avec elle, bah les deux. Ok. très bien. On sait pas quoi faire de ça. Donc bonne journée, merci. Bon, bah, après mon mojo amoureux a duré vraiment que le CP. Après derrière c'est la dégringolade quoi. Mais du coup elles ont vraiment dû. Enfin moi j'aurais adoré être ton pote qui a dû annoncer. Je sais pas quoi vous dire. Apparemment il aime les deux. Désolé. Je suis désolé. Je suis son pote. Hein, moi j'aide. Mais je suis le messager uniquement. Ouais, vraiment, c'est... J'en suis pas fier. Ça, c'est pas le messager. C'est fou. Ouais, bah, et c'est Audrey, dégâché. Toi, le ouais. Premier amour un peu partagé tel caprice des dieux, type placement de produit. Ouais, voilà. C'est long. Hein. Petite intermède musicale, Audrey. Sinon, peut-être de poser. Non, on peut poser la question à Julien, du coup, non, en attendant. Putain, il fait des signes. Il fait des petits mouvements de sourcils. Premier amour partagé, vraiment. Premier amour, vous êtes tenu la main, comme disait Teddy avec Claire. Mélanie. Non, moi, par contre, on m'a raconté. Ma maman m'a raconté qu'un jour, elle était venue me chercher à la crèche. Oh. Et on ne me trouvait pas. Oh là là, tous les employés disaient, mais on ne sait pas où il est, le petit Pestel, etc. Mais, ah, mais regardez, c'est pas lui sous la table. Et j'étais sous une table en train de faire un bisou sur la bouche à une petite fille. Allez, oh, ça, c'est cool. À la crèche, mon pote. Ça, c'est bourreur, bourreur. Tu m'as clashé. Ok. Joué. Belle histoire. Eh voilà. Ben, dis donc, à la crèche. Eh ben. crèche, ouais, parce qu'il y a pas de pulsion même à la. Enfin, si, non, si, mais c'est des bisous. Non, mais c'est des bisous. Les bébés se masturbent. Si, si, si. Alors, bon, c'est pas du sperme, c'est du pipi. Non, non, mais il y a pas que les garçons, il y a les garçons. Tu étais psy, Audrey. Voilà, parce que j'ai quand même fait avant ce métier de saltimbanque des études, qui ont coûté cher à mes parents pendant 5 ans, car je n'avais pas de domicile et que, enfin, bon, bref. Du coup, elle a envie de faire une petite analyse actuellement. Tout à fait. Eh bien, la pulsion sexuelle est la première pulsion que nous avons et qui ne nous quitte pas tout au long de notre vie. Et voilà. Ouais. Bon baiser, mon gars. Les berceaux. Puisque, en fait, la pulsion sexuelle est liée à la notion de plaisir, à la pulsion de plaisir. Et alors là, vous mangez, dormir. Te dire avec tout toi, ce s'il te plaît. Est... ouais, c'est le plaisir qui est en train de. Donc voilà. Voilà. D'accord. Ah ouais. La pulsion sexuelle. Merci. Est-ce que je peux me faire un petit jingle là-dessus La maman psycho. Ça dure 12 minutes en marche. Me continuer à discuter. Bon bah du coup je vais monopoliser la parole. Si non, personne a de souvenirs de tenir la main, des trucs comme ça. Non, bah en fait moi bon je vais dire un truc qui est à la fois un peu triste et à la fois très très beau, c'est que moi mon premier amour partagé c'était il y a 11 ans et je suis toujours avec elle. Ah non mais c'est beau, voilà. C'est beau. Voilà. C'est assez classe. Donc il y a 11 ans, voilà, vous faites une soustraction, vous dites c'est tard. Mais en même temps, c'est toujours, donc c'est bien. Quand c'est beau, quand voilà. C'est beau, ça vaut le coup d'attendre. Exact. D'ailleurs, c'est une scène des petits mouchoirs, je crois. C'est quand on mange les huîtres là. Comme quand on a envie de chier, on se retient jusqu'au dernier moment. C'est encore mieux que si on avait chié tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc l'amour, c'est comme chier. C'est comme chier, ok. L'amour, c'est comme chier. On a trouvé le titre de cette émission. On a trouvé le titre de ce numéro. Je suis et, très et content. Et d'ailleurs, chier est aussi une pulsion sexuelle. Alors oui. Et alors quand on tu... mélange les, oui. C'est ça. Bah, c'est parce que tu retiens puis tu donnes puis tu retiens puis tu donnes. Et allez. Très bien. Alors. Toi. Qui est la première. Non, non, moi j'ai pas trop de. D'accord. Moi c'est un peu comme toi. Enfin, je suis pas encore avec elle, mais la première où c'était partagé, ça a été du couple et j'étais déjà en première, je crois, voire terminale, je sais plus exactement. Donc pas très. Mais justement, alors, moi j'en parlerai peut-être après, mais un souvenir du premier truc où on se dit, mais je suis en couple en fait. Un truc où on est déjà plus au collège, voire au lycée, si on est un peu plus en retard. Voire Pâques ou vie active. Voire Golden Moustache, si vous voulez. Non, mais ce truc-là, un petit peu première fois, où on se cache des pions pour s'embrasser derrière un abribus, je sais pas. Oui, bon, ça reste... oui, d'accord. On parle pas du quotidien du couple, où tu te dis, ok, j'ai des responsabilités. On peut un appart, tout ça. Va dire, ça non. Moi, j'ai pris un appart en CE, hein, d'ailleurs. T'étais très en avance, toi. Non mais parce que moi par exemple je me souviens au collège on n'avait pas le droit de s'embrasser dans la cour. Quoi? Donc, du coup ouais les pions venaient nous engueuler. Quand les filles s'asseyaient sur les genoux pareil, et quand je dis... les pions ils disaient non oh là c'est la folie ça. Et bien sûr quand je dis nous je parle des autres et pas moi. Mais effectivement ils engueulaient les gens qui s'embrassaient et donc du coup je me demandais du coup les gens il y avait des mois de couple quoi, il y avait des gens qui restaient alors qu'ils étaient au collège qui restaient ensemble pendant des mois et il y avait déjà ces phrases que des fois on entend maintenant, genre, mais eux ils vont pas se séparer, enfin ils sont trop faits l'un pour l'autre ou des trucs comme ça. Est-ce c'est Ross et Rachel. Vécu c'est Ross et Rachel. C'est Chandler et Monica. Est-ce qu'il y a eu des gens comme ça, vous? Est-ce que vous avez vécu ça au collège, au lycée? Une histoire un peu sérieuse, non. Comme peut l'être une histoire non. De collège ou de lycée? Jamais. Moi je suis restée un an, toute ma. Donc en vie de chien, c'est énorme. C'est à peu près 10. Ah, 7. C'est 7. Je suis restée un an avec un garçon qui s'appelle Axel, du début de ma troisième jusqu'à la fin de ma troisième. Voilà. Et en fait, le seul hic. Si je peux appeler ça comme ça, c'est quand même un petit problème. C'est que donc c'était ma première pelle et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire le moment où tu te dis non, je veux pas ça. Donc en fait, on s'est fait des smacks pendant un an. Mais bon, et parce qu'il embrassait mal ou... Je crois, oui. Ah, il embrassait mal. Bah, cela dit, du coup, moi, ça devait pas être glorieux non plus. Ouais, tu vois, je vais pas. Après, il suffit qu'une des deux personnes embrasse mal. C'est comme la danse. Hein. Si une des deux danse mal, tu fais pas de miracle, hein, même si t'es Fred Astaire. Quand tu faisais des analogies avec chier. Chier. Non, mais. Est-ce que tu peux m'en trouver une petite? tu peux avoir les chiottes les plus confortables. Si t'as pas envie de chier, t'as pas envie de chier. Ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Elle fonctionne. Ah, bah. Ah ouais. Je vais aller la chercher. Loin. Mais je crois que c'est ça. Enfin, je veux pas. T'avais pas envie de chier. Mais là, c'est la psy qui parle. Non, c'est qu'il arrive avec une proposition peut-être trop précise. Tu vois. Ouais, je sais pas. En fait, dans ces moments-là, si tu sais pas, que l'autre sait pas, il y a pas de problème à pas savoir. Et puis, viens, on sait pas ensemble. Et puis, on cherche. Mais lui, c'est comme s'il avait trouvé et mal trouvé, tu vois. C'est genre la chiasse, quoi. T'inquiète, bébé, je vais gérer. Ouais. Et en fait, pas du tout. Et quoi. Pas du tout. Ouais. J'ai un truc comme ça, je me suis fait dépuceler du roulage de pelle en primaire. Et elle m'a pris la tête, elle a mis la langue. Et moi, j'étais dégoûté. Ça m'a instantanément répugné. Et je n'ai pas réessayé avant mes 15 ans. Sérieux? Mais en fait, je me suis reculé, je fais ah, mais. Mais c'est sale, pourquoi tu fais ça? Mais bah, c'est comme ça qu'on fait. Mais non, personne ne fait ça, c'est dégueulasse. Où c'est que t'as vu ça, toi? Pervers. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est drôle, putain. Et jusqu'à tes 15 ans, où tu as pu. Tu t'es. Voilà, comme un accident de voiture, ouais. Il a fallu un peu de temps. Après, j'ai découvert les téléfilms érotiques d'M6 et je me suis dit, ah, bah si, en fait, elle avait raison. Très bien. Et première pelle. C'est vrai, c'est intéressant ça, première pelle. Moi, je crois que moi, c'était avec cette meuf avec qui j'étais déjà en première, hein, je pense. En fait, nous, c'était un truc très bizarre. Bon, j'espère qu'elle écoute pas cette émission. Bon, de toute façon, on dira pas son nom, on s'en fout. Mais... Christelle. Merde. Une chance sur tellement de possibilités. C'était. On se chauffait dans son canapé de sa mère. Genre, on matait tout le temps, tous les samedis, on matait un film. Puis on s'embrassait, mais une heure et quart, un truc très long. C'est fatigant. Moment, ouais, t'en peux plus. T'as de la salive jusqu'aux oreilles, en fait, et vraiment, t'as mal à la bouche. Et en fait, je crois que ni l'un ni l'autre s'est dit. C'est un peu comme quand t'as la chiasse et t'as trop d'hérité à force de chier, quoi. C'est un peu ce délire-là. D'accord. Je suis obligé. Hein, non, je comprends. Bah attends, je t'en renvoie une petite, je te laisse la mijoter. Ouais. Non, en fait, elle attendait, je pense, que moi je fasse quelque chose et moi j'attendais qu'elle fasse quelque chose. Donc en fait, on était dans un truc où on se chauffait longtemps, genre tu vois. Un jour, je suis un petit peu audacieux, j'ai effleuré un sein, tu vois, pas plus. Et vu que ça réagissait pas trop, vu que elle faisait rien et que moi je faisais pas plus, donc en fait on était dans un truc un peu nul où vraiment on se frottait sur un canapé en bavant pendant bien 6 mois, je pense, un truc comme bandais, ça. Tu bandais. Alors je bandais énormément. Il y a du liquide pré-séminal. C'est ce que j'allais dire. Du liquide pré-séminal, écoutez, ouais. Le liquide pré-séminal était là. Faites-moi voir ça. Il représentait au max. Il était là avec ses potes. Et du coup, quand t'enlevais ton caleçon, est-ce qu'il y avait un peu le blanc qui restait collé? Tu veux dire comme de la vieille peau après un coup de soleil? Voilà. Ouais, un petit peu ça. Est-ce que ça fait ça voilà. Tout va bien, Audrey? Je suis pas une belle soirée. On n'apprend rien, voilà, la plupart des gens. Mais... Un peu, je pense, un peu. Liquide comment, pardon. une petite partie de la population peut-être apprend des choses. Et donc voilà, et au final, on s'est pris la tête par SMS une fois, et j'ai cru que c'était fini, donc j'ai arrêté. Comme et après, Chandler. Et comme après, Chandler dans et après Prime. Elle m'a dit, mais d'où tu me parles plus et tout. Je fais, bah, parce qu'on est plus ensemble. Et alors quoi, on est plus ensemble? Je fais, on s'est engueulé quand même. Excuse-moi, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et puis du coup ça m'a arrêté comme ça. C'est exactement comme Chandler avec Monica dans Friends. La première engueulade, il dit bon. Attends, bah on ne me dit rien parce que du coup je n'ai pas vu la fin. Non, je rigole, mais avec ma meuf actuellement, j'ai eu ce problème parce qu'elle n'avait jamais vu Friends. Et j'ai eu le malheur de dire que Chandler finissait avec Monica. Mais genre pour moi c'était oui, comme non, dire que Jésus est le fils de Dieu, tu vois, il y a un délire de voilà. Et elle m'a vraiment fait, mais d'où, mais... Et en fait, même si on peut dire, bon, meuf, il y a prescription, calme-toi. En vrai, c'est chiant quand tu le sais pas et que tu commences Friends, oui, tu dis, ah putain, c'est quand même un gros changement dans la série, quoi. Elle a réussi non seulement à pas voir Friends, mais à pas entendre. Ouais, ça, quoi. Ouais, non, mais c'est dingue. Eh bien, écoute. Voilà, pardon, petite digression. Comme Ross ça. Et Rachel se remettent ensemble à la fin. Voilà, je t'ai spoilé, Clara, si tu écoutes. Non, c'est bon, elle a fini, heureusement, elle a fini toute la série. Donc, première. Elle descend l'avion. Qui première pelle, mon bon Teddy. Bah là, c'est paix. Ouais, on va un petit peu avant. Non, mais ouais, le mec il habitait avec la meuf. Non, c'était bien plus. Non, je vais avoir 14 ans, truc comme ça. Parce qu'en fait, j'avais un problème, c'est que j'avais passé deux classes, j'avais sauté deux classes. Allez. Oh, ouais. Oh le problème. Binoclard. Parce que j'étais surdoué, enfin très brillant, c'était vraiment un problème que je porte encore. Et non, mais le truc c'est que du coup j'avais 2 ans de moins que toutes les filles de ma classe, ce qui intéresse aucune meuf. Ah oui, compliqué. Putain, merde. Il y en a qui me faisaient des câlins, genre je pourrais être leur petit frère. Mais... Ah oui. Ouais, c'est nul, quoi. T'empêchais pas d'avoir la gaule. Non. Et loin de là, le liquide séminal, de ce que j'ai compris, était de retour. Était bien là. Donc moi, en fait, ma seule chance de. La seule chance de pécho, c'était au camping. Parce que l'extrême ah triste. Bah, c'est là où vont tous les surdoués pour tous les génies. Et les impressionner un peu en... parce que je jouais pas mal à la pétanque. Non, mais Steve Jobs a pécho au camping. Hein, ouais. C'est vrai. Et donc ouais, c'était au camping avec une fille qui s'appelait Julie, qui avait un appareil, donc j'ai eu très peur. Ah, bah oui, bien un sûr. Un problème m'arrive. Bien sûr. Ça s'est bien passé. Ok, mais t'en es revenu. J'en suis revenu, voilà, c'est juste sectionné un petit peu sur le bout de la langue, rien de méchant. Et c'est tout. Voilà. D'accord. Ce qui est nul. Hein, que... Non, mais est-ce que t'en es sorti dégoûté ou te dire oh, c'était sympa? Non, sympa, parce que ouais, je regardais déjà les films érotiques à 14 ans. J'avais déjà cette idée. 14 ans, moi j'avais déjà. Moi je piquais les entrevues de mon père. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez de cette revue. Qui existe encore, je crois d'ailleurs. Ah, bah oui, puisqu'ils ont dit que les comédiens de Golden Moustache touchaient 8000 euros par mois. Ah oui, c'est vrai, oui, ils avaient dit ça. Félicitations, les gars. Bah ouais. Ils ont dit, d'après nos calculs, les comédiens de Golden Moustache. Il reste de la place chez vous, de vacher entrevue, je pense, tu connais. Ouais. Et entrevue, bah, c'était trop bien parce qu'en fait, moi, vu que je fais partie, bah, un peu comme vous tous, la génération qui a vu Loana, Marjolaine, en fait, c'était des meufs qui étaient très bonnes à la télé avec un petit décolleté et tu pouvais les voir à poil dans ces magazines. Donc c'était trop bien, c'était vraiment la meilleure chose. Une époque qui nous manque. On embrasse Marjolaine d'ailleurs. On vient se marier là-haut avec Coluche et des proches. Maintenant qu'on a internet, c'est vraiment dur de trouver des photos de femmes nues. La galère. Ça nous manque. Ouais. Ça nous manque. Non, à l'époque, elles étaient consentantes. C'était quand même plus sympa. C'est vrai. Ça mettait quand même plus l'ambiance. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez une vraie notion de sexualité au collège. Là où moi, rien quoi, il y avait un côté non. Fleur bleue. Ouais, c'était vrai. Mariage. Ouais, on s'aimait, tu vois. Enfin, je sais pas, vous êtes venu tout dégueulassé avec. Tu veux dire que le liquide préséminal était absent de toute relation. Non, mais je suis en train de me dire que en fait, le mec, lui, devait pas se dire ça du tout. Mais attends, c'est pas de généralité. C'est pas de généralité. Tu es en présence de quatre gros beaufs. Nous ne représentons heureusement pas la gente masculine. Non, peut-être. Mais c'était quoi, toi, ta relation du coup au collège? Bah rien, on se tenait la main. J'allais chez lui. Oui, je voyais sa mère, enfin une relation de couple quoi. Un truc installé. Je connaissais sa sœur, on était amoureux, on se faisait des smacks, enfin je sais pas. Alors comment ça s'est fini? Une si belle histoire, madame. Je vis le conte de fées. Moi j'ai bien une petite idée, mais j'ose pas. C'est quoi si il l'a enculé, mon gars. Il a pas osé très peu de temps quand même. Mais j'ose pas. De quoi enculé? Il y a eu aucun temps d'hésitation. Ça s'est chevauché le. La proposition de. Le don de parole et la réponse se sont chevauchés. Je peux. Mais ça s'est fini comment pour de vrai? Non, je sais même plus. C'est chevauché aussi. Tu sais plus, Audrey? Je sais pas, je crois que à un moment donné, l'histoire s'est essoufflée. Tu regardais plus comme avant. Puis bon, moi j'allais en seconde à Paris. J'allais en seconde à Paris, lui restait dans le 93. Très bien. Et alors, j'aimerais passer maintenant. Alors, je vais pas vous demander vos premières fois sexuelles parce que. Juste moi, ma première pelle c'était à 22 ans, voilà, je le dis. Ah oui, non mais. Comme quoi? Non mais est-ce que c'est intéressant? C'est sérieux sans, et en plus être, je le dis parce que. Sans être doc et full, ça peut peut-être décomplexer des exactement gens. Exactement. Voilà. On est écouté par des ados, on est écouté par des jeunes adultes, il faut se décomplexer. C'est un peu le principe aussi, qui n'était pas du tout prévu, parce qu'à la base c'était juste faire des blagues de sperme et de caca. Mais Floodcast, je suis très fier que certaines personnes qu'on peut croiser en convention ou sur Twitter ou machin nous disent. Putain, ça m'a un peu décomplexé, ça me fait un peu moins peur, parce que c'est vrai qu'on est abreuvé d'images, sans faire mon vieux réac, mais de pornographie, de le couple c'est facile et tout. C'est toujours bien d'avoir des losers autour de cette table. J'ai une énorme bite de hardeur, par contre. Je suis toujours client, moi, de ça. Effectivement, si vous faites moins de 25 cm, vous êtes des merdes. C'est ça, on peut vraiment le dire. La bite, la taille de la bite, c'est important, ok? Manuel Ferrara. Mais non, j'ai une vraie question du coup, pardon, mais parce que du coup moi en fait, vu que ça a été un échec ma pelle en troisième, je me dis, j'ai eu beaucoup de mal à y retourner. Ouais. Et du coup comment à 22 ans t'y vas, genre tu te dis, est-ce que c'est comme la première fois où plus tu attends, plus tu montes un stress? Moi j'ai perdu ma virilité à 18-19 ans. Il y a un truc de quand t'attends, tu te dis. Bah ouais. Est-ce que ça te met une pression? Oui, bien sûr. Mais bon, bah c'est comme tout. Tu vis avec quoi. Voilà, tu remontes en selle. Elle savait que c'était ta première pelle? Oui. Tu l'as joué franche ou elle t'a fait ah, c'est ta première? Non, à 22 ans, enfin moi c'est plus ma philosophie de quand tu sais que ça va être nul, tu es franc avant quoi. Oui, tu t'es vraiment t'es nu, tu t'es planté là, tu dis oui, là du coup t'as des circonstances atténuantes en étant franc quoi. Donc j'ai été franc et bah voilà, non mais ça a payé. Autant le sexe a été quand même un beau fiasco, autant la pelle Parce que du coup, oui, le sexe était aussi forcément du coup au même âge. Hein. Bah oui, bien sûr. Sinon, ça aurait été un peu bizarre. Ce qui était, voilà. Ouais, oui. Non, j'ai pas à souvenir d'une catastrophe en termes de pélasse. J'embrasse pas mal, pour ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc, salaud, moi j'ai vraiment une barbe. Nul qui... en sexe, mais j'embrasse pas. Première fois, mais s'il y en a qui ont des anecdotes marrantes sur leur première fois, qui n'hésitent pas par contre. Parce que pareil. Ah, de sexe ? De sexe. Bah, moi je l'ai déjà raconté. Oui, tu l'as déjà raconté. À ce micro, mais bon, pour résumer, je suis la personne qui a joui avant l'acte. C'est-à-dire elle m'a mis la capote, j'ai joui. Voilà. Bah, déjà c'est propre. Non, mais bon, au moins j'ai. Mais alors, c'est là où je veux quand même revenir. Mais parce que je suis, en tant que fille, je veux dire qu'il n'y a pas de problème forcément à ça. C'est-à-dire que tu. Alors que pour le garçon, que ce soit compliqué, j'entends. Ça. On y retournera après, tu vois, c'est pas grave, mais il y a un côté genre, on n'est pas en train de se dire, ok, le mec est vraiment un gros nul, non, et j'aurais trop bien. Mieux fait d'aller avec Brian, parce que Brian, il avait le. Non, mais je sais bien Brian que. Brian porte une capote H24, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Sûr. Il s'est fait greffer une capote au laser sur le pénis, même le pénis. C'est vraiment pas très hygiénique. Non. C'est pour pousser, c'est chiant, enfin, ouais. Plein de contraintes, quoi. Non, parce qu'il s'est fait détourner l'urètre. Entre les deux couilles, qui est un vrai truc d'ailleurs. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Alors, voilà, mon frère, hein, la chaîne Dans ton le corps, fameux. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus à mon frère, hein, Julien Méniel. Ça existe, ça. L'urètre, dans certains cas très rares, n'est pas au bout du pénis. Oui, mais dessous. Tout le long de non le comme le, une sole pas le l'urètre le pardon mais le mer le trou de l'urètre n'est pas forcément au bout du pénis mais tout le long donc il peut être même entre les couilles. What? Mais ouais. Oui, ça existe. Mon frère saurait dire le donc nom de. Donc tu pisses entre tes couilles. Eh bah tu te démerdes. Bah, non mais en même temps comme tu pisses assis quoi j'imagine. Oui, mais en te tenant les couilles, tu vois, pour pas t'en mettre partout. En les ouvrant, t'es un rideau, un peu. Bah non mais ça doit. Mais pardon mais du coup par où sort le sperme? Ah bah pareil. Donc comment tu fais pour te reproduire? Eh bah, tu mets sur des bâtonnets, tu te débrouilles. Des petits, des glaces Miko. T'es un graissin d'apéro là. Ou des sarbacanes, tu vois, tu l'emplis. Puis, tu vois, enfin tu trouves des astuces. Non mais c'est comme toutes les contraintes, ça force à être créatif quoi. Non mais oui. C'est ça l'évolution. Ouais non bah du coup voilà. Mais du coup c'est faut voir le bon côté des choses aussi. Tu mets pas de enfin. Il n'y a pas je de contraception. Oui, mais il y a des risques de. Non, mais de maladie, oui. Mais si c'est juste pour la. À quoi sert ta bite ? À rien. Bah, à baiser. Enfin, à donner du plaisir. Mais oui. Tu sais, Audrey, on bah, peut déjà baiser sans procréer. Oui. Comme hein. Parce que j'ai 8 enfants, là, donc c'est un peu chiant. Vous me dites ça maintenant. C'est François Fillon ou quoi ? Je rappelle ma chronique. L'orteil dans le vitriol, hein. Je rappelle. Audrey, quoi? Est-ce que toi tu as un souvenir, si ça ne te gêne pas, de première fois est-ce que Kata. Ah ouais, Kata aussi. Kata. Pourtant lui savait bien faire. Ah ouais. Ah non, mais moi je crois que j'y suis allée trop tôt. J'y crois que. En fait, j'avais 17 ans, il en avait 23. D'accord. Donc ça faisait quand même déjà 8 mois que le garçon attendait. Donc je me suis dit à un moment donné, bon, il a quand même, tu vois, il est un adulte. Il n'a pas démérité. Ouais. Et puis bon, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas, j'y vais. Mm-mm. J'aurais peut-être pas dû y aller parce que c'était très douloureux. Ça m'a, c'était affreux. Je n'ai eu aucune notion de plaisir du coup pendant à peu près, je pense, les 3 années qui ont suivi. Ah ouais, quand même. C'est long, oui. Ouais. C'est vraiment une très mauvaise. Mais cela dit, tu vois, de toutes mes copines qui étaient avec moi au lycée, du coup, parce que donc j'étais au lycée, on était toutes là, mais genre, t'aimes toi? Et on était là, non. Et toi? Non. Et toi? Bah non, je me suis mis de la crème et j'ai vraiment une copine à qui c'est arrivé. Elle, du coup, elle c'était la galère avec son mec, du coup, elles sont allées voir un espèce de sexologue ou gynécologue et la nana lui dit, bon, écoutez, si vous avez mal, en fait ce que vous faites c'est que vous mettez de la crème donc elle devait se mettre de la crème dans le vagin pour éviter que ça fasse mal. Normal. Sauf que du coup elle fait l'amour avec son mec et en fait son mec oublie de mettre une capote et d'un seul coup pendant qu'ils font l'amour il lui dit putain mais je comprends pas je commence à plus sentir ma bite et en fait vu que c'était un truc anesthésiant ça avait complètement anesthésié l'engin mais le mec garçon. A niqué 3 heures du coup bah, non parce que il a débandé du coup bah oui là attends bah, oui. Tu es en train de te dire mec je mais change non, mais plus y a, rien il y a des capotes comme ça avec un gel anesthésiant dedans pour durer plus longtemps. Mais pour les bons. Ouais, non, mais là, c'était vraiment anesthésiant. Vraiment, oui, vraiment, c'était d'accord. Coma. C'était pour la chirurgie, normalement. Non, donc avec toutes mes copines, on était là, genre, non, ok, donc personne n'aime ça, ok, bon, on le fait quand même, ouais, parce que bon. Bon, faut bien. On le vend. On le vend les mains. Faut bien. C'est aussi parce que peut-être les mecs sont pas top aussi. Non, voilà, je te jure que je crois qu'il y avait aussi un truc où, pour la fille, l'accès au plaisir est tellement différent et particulier que, en fait, c'est justement. Pas que ça faisait forcément mal. Moi, à un moment donné, ça me faisait plus mal, mais de là à vraiment avoir plaisir, accès au plaisir, c'était vraiment autre chose. Et du coup, il n'y a pas de mal, quoi. Oui. Non, mais moi, j'ai appris il y a 3 ans que les femmes pouvaient avoir des orgasmes, donc il n'y a pas de jugement cool. Vis-à-vis de ça. Pardon, petit instant promo. Si le 13 mars, vous êtes sur Paris, c'est un gros partout pour les mauvaises heures uniquement. La partout cast, tous les podcasts de Paris. Non, je ferai un sketch sur scène, un petit stand-up sur ce sujet-là, d'avoir découvert très très tard qu'une femme pouvait avoir un orgasme. Donc voilà, je n'en parlerai pas là pour ne pas. Eh bah ça, mais ça c'est le porno, ça. Hein. Ça c'est la faute du porno. Bah n'en parle pas plus. Ne mique pas tous mes trucs, je t'en supplie. Mais non, effectivement, mais dans le porno, c'est quand même très rare que c'est rare que les meufs aient exactement. Un orgasme. Et c'est un truc dont je vais parler. Donc voilà. Donc, voilà. Doucement, apparemment. Non, parce que c'est vrai. Allez, développe. Teddy, alors pareil, je ne veux pas que ça te gêne. Ta première fois, est-ce que ça a été sympa, une catastrophe? Est-ce qu'il y avait des genres du cirque, tels des clowns par exemple? Il n'y avait que 2 clowns, je m'en sors là, j'étais entouré de clowns. Non, j'étais très saoul, très très saoul. Ah oui. Et en fait, vu que j'avais peur de la première, parce que j'avais 18 ans, ouais. Donc vu que j'avais peur, j'ai vraiment eu un gap entre la meuf du CP et après. Une petite, ce qu'on appelle une traversée, voilà. Une Indochine, une traversée du désert, mais pour revenir un peu avec. Un hiatus. Et donc, en fait, j'étais très saoul, et dans une soirée, il y avait une fille, je savais que je lui plaisais un peu, et donc on s'est embrassé, etc. Et elle savait que j'étais plus saoul aussi. Et donc je me suis dit, oh, bourré, c'est l'occasion, comme ça, même si c'est nul, comme ça sera fait. La première fois, c'est fait. Et tu t'en rappelleras peut-être pas en plus. Et je m'en rappelle quand même, mais. Oui, bah oui. Mais du coup, voilà, c'était vraiment pas ouf, mais c'était fait. Enfin, c'est vraiment la peur de la première fois, c'est débarrassé. Oui, voilà. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et la deuxième fois, bah, c'était pas elle, donc c'était mieux après. Parce que, en plus, ça me plaisait. Il n'y avait plus d'alcool, donc c'était quand même plus sympa. Beaucoup moins, c'était beaucoup de coke et du crack, mais. Jamais fait vraiment à jeun le sexe. Toujours défoncé. Julien Pestel. Oui, ben moi c'est tout l'inverse de Teddy. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me dégager de cette peur. J'ai eu ma vraie. Enfin, non, attends, j'ai eu plusieurs premières fois. J'ai eu une première fois vers 18 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire la fois où vraiment ton zizi rentre dans la choupinette. Ouais. Et j'étais tellement terrorisé. Ouais, on dirait Bigard, c'est nul, c'est dégueulasse. Et en fait j'étais tellement terrorisé par ce moment, j'étais pas sous, moi, pour l'occasion. Que j'ai pas réussi, enfin j'ai bandé, je sais pas, une minute, et après de suite hop, mais pourtant j'étais plein de désir, j'avais envie de cette personne, mais juste souvent, le mental m'empêchait de bander aussi. La toute première fois mais moi ça ne m'a pas quitté. Du coup, j'ai fait l'inverse, du coup peut-être les 5-6 meufs d'après je n'y arrivais pas. Ah putain. Ah oui, et j'ai réussi vraiment à finir l'acte quelques années après. Je devais avoir 23 ans. Oui, comme Baptiste Le Caplain, des mecs comme ça qui s'en cachent pas d'ailleurs, ou enfin, donc la vraie première fois, sinon fini. Non, qui s'en cachent pas, sinon ce nom vient de nulle part. Comme mon voisin du 6ème, ouais. Thierry l'ermite, enfin, on les connaît. Et voilà, et du coup, parce que j'étais tombé que sur des nanas qui comprenaient peut-être pas trop le délire et qui disaient, oh là, bah, bon, tu veux pas de moi? Bah si, mais c'est pas ça, c'est dans ma tête, parce que je suis quelqu'un de sensible. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une nana formidable qui, elle, quand elle a vu que j'y arrivais pas, mais que je l'aimais, que j'en avais très envie, eh ben elle a passé peut-être, je sais pas, 3 heures, 4 heures, pas loin, mais à m'encourager limite, à me dire, mais ça va bien, tout va bien. Et j'ai réussi pour la première fois et je me suis senti, putain, mais je suis un homme, j'ai 23 ans. Et ça y est, oui, alors je vous emmerde tous. Le et depuis, je baise, mais je baise. Je rattrape le temps perdu, j'encule à tour de bras. C'est une folie. Parce que le truc, c'est que vous, ça se voit. Nous, ça se voit pas. Oui. Donc, c'est ça, si toi, ça s'était pas vu, peut-être que tu les aurais toutes pénétrées sans aucun. Plaisir plus que ça, tu vois, c'est ça. Et du coup, peut-être que la fille, dans l'accès à son... Alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais dans cette notion elle de plaisir... Elle m'a pointé moi du doigt, donc j'ai... tu parles de sexualité féminine, il y a peu de chances qu'on là-dessus, hein, qu'on puisse t'aider. Ouais. Peut-être qu'il y a plus, dans le plaisir féminin, une notion d'abandon, là où, chez l'homme, il y a plus une notion de performance. De soulagement. Non, mais un truc qui va, tu vois, jusqu'au... C'est la fin de l'acte, quoi. C'est le... Je ne sais pas, je pose non, mais... ça là. Non, non, je comprends ce que tu dis. Voilà. Non, non, mais complètement. Et moi, je te rejoins. J'ai eu ça longtemps aussi où chaque nouvelle première fois avec une nana était un peu calamiteuse. Et aussi par cette première fois où t'as débandé instantanément et tu te dis putain, j'espère que ça va pas me le refaire. Putain, j'espère que ça va pas me le refaire. Et ben, c'est trop tard. Est-ce que c'est. Il y a un équivalent avec chier par exemple ou pas? Je dirais, c'est la constipation. Bah, quoi, ouais, c'est sûr. J'allais c'est même dire. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Tu bouges du riz, toute la journée, tu te dis j'ai mal au bide, mais tu t'assois sur les chiottes et il n'y a rien. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est fermé. Quand c'est fermé, ça ne veut pas sortir ni rentrer. Et quand ça ne veut pas. Non, mais tu t'es énervé, mais je comprends. Non, non, mais il fallait taper sur la table. Mais sinon, tu pouvais continuer. Moi, j'aimais cette énergie. Voilà, bah tout le monde a fait son. Et puis moi, bah alors moi, j'ai eu deux. Enfin, il y a un truc que je considère comme ma première fois, mais qui n'est pas. Parce que j'étais mettre seul, son donc... zizi dans une choupinette. Je me suis fait l'ébran dans mon cul-clac à l'époque, à Marne-la-Vallée. Pour la petite anecdote, qui est le nom de ta bio. Qui est le. Dans son cul-clac. Par la meuf qui était en costume de mini. Et pour la petite anecdote, il y avait un de mes potes qui était. En gros, j'étais dans le cul-clac avec la nana et j'avais un pote dans un matelas et j'étais étudiant, donc autant vous dire, pas dans un 70 mètres carrés. Donc. Tu as joui sur ton ami. Tout ça pour vous dire que voilà, il porte mon enfant maintenant, depuis maintenant. Dans ses cheveux. Dans ses cheveux. Et cette nana, je suis resté quand même 2 ans avec elle. Donc ma première fois avec une nana, je suis resté 2 ans avec elle. Et après, j'ai perdu vraiment ma virginité plus tard. Et... Ah, pas avec elle ? Si, si, si, si. Ah, non, non, si, si, oui. C'est que si elle t'a branlé pendant 2 ans. Ouais, ouais. Bon, sinon, on peut peut-être essayer d'autres trucs. Lui faire les bras, je serais parti sur un ça me suffit, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu plus. Avec une manche de polo, un truc, tu t'enroules le pénis, enfin, n'importe quoi d'autre que la main. Peut-être même une autre main. Ouais, une éponge. Fais un trou dans une éponge. Tout ce que tu veux. Ça, j'avais déjà fait. Un flan. Pourquoi pas un flan au pruneau. Non, et ma première fois, bien passé, et ma troisième fois, rupture du frein. Donc autant que dire, ça roule. La sortie de route. C'est la sortie. Une Ayrton Senna, directement. Une petite Ayrton Senna, et voilà. Ça fait peur, ça. Putain. Ça fait peur. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà raconté dans une émission, l'émission de Navi et Sophie Marie sur Mademoiselle. C'était sur Sweet Dreams, la reprise de Marilyn Manson. J'ai pas aimé. Je suis vieux et en dépression. Fatigué très vite. C'était Sweet Dreams de Marilyn Manson et j'ai rompu mon frein là-dessus. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est en pissant. Vous le suivez. Eh, oh là, qu'est-ce que c'est en pissant dans la plaie. Dans la plaie. Non, dans la plaie. Et en fait, tu pisses en biais. Ah, ça fait très mal. Bah oui, parce que tu pisses sur la plaie. Aïe, en fait. Aïe, aïe, aïe. Donc t'es obligé de pisser en biais. En plus, moi j'ai un prépuce. Donc il fallait décaloter à chaque fois. Donc ça fait mal. Tu tires sur une plaie. Et ensuite, tu dois pisser en biais. Donc voilà, pendant un petit mois. Mais ça s'est résorbé tout seul. Et depuis. T'as des croûtes à un moment. T'as des croûtes. Plus d'accidents depuis, en tout cas. Depuis. Donc, mais effectivement, les fois d'après, tu es plus calme. Tu dis, oh, on va enlever Marilyn Manson. On va mettre du Elton John plutôt. On va rester sur un truc. Ah bah, Elton John, pardon, si c'est I'm Still Standing par exemple, ça va vite. C'est vrai, hein, que ça envoie. I'm Still Standing. J'étais sur des trucs plus calmes. J'étais sur la BO du Roi Lion. Parce qu'en plus, Sweet Dreams, elle est plutôt. C'était elle est lente. Ouais, elle est lente. Ouais, c'est vrai, elle est lente. Mais il y a des bonnes percus, tu vois. La ouais, ouais. Moi, c'était peut-être pas en termes de fréquence, mais en termes d'amplitude que c'était violent. Ouais, oui, non, parce que j'ai tapé à côté. Ah bah oui, non mais d'accord. Non mais voilà. Ah donc tu l'as blessé. Ah oui, elle a rien eu. Tu sortais le pénis entièrement et tu le remettais. Mais ça, faut jamais faire ça. C'était à côté à 1 mètre, donc elle a rien eu. Dans le mur. Le crépi est mort, par contre. Je le sortais, je faisais un tour en caisse et je revenais. Alors les questions, plein de questions, on répond assez vite, on essaye en tout cas. On essaye, allez. Adrien, qu'as-tu ressenti quand tu as vu ton dessin sur les fesses de ton frère ? Je peux dire oui ou non. Enfin, voilà. Bah c'est drôle. Non mais c'est vrai que c'est un dessin de toi, les gens le savent peut-être oui, pas. Oui. C'est le dessin d'Anounas, ça ? Voilà, d'accord. Oui, oui. Bah, il m'a demandé, alors pour la petite anecdote, je vais dire, au départ il m'a dit, est-ce que tu peux me faire un portrait de Kinvé ? Donc je me le fasse tatouer sur le cul, donc je l'ai fait. Et après il m'a dit, en fait j'ai changé, je voudrais Hanouna. Donc j'ai fait Hanouna en plus. Donc j'ai dit, il n'y a pas le... marqué graphiste gratos non plus. Mais par contre, il a kinvé sur le pec. Voilà, on peut le dire. Sur tout la longueur du pénis. Non, non, mais voilà, bah, j'étais marrant. C'est rigolo. J'étais... Il a fait une vidéo là récemment sur le fait de l'enlever. Je ne l'ai pas vu encore, moi. Donc, mais il a fait ça. J'ai vu ça, ouais. Spoiler, ça n'est pas du tout parti. Julien Pestel, comment fait Julien pour financer ses dernières très bonnes vidéos sur sa chaîne? Eh ben, car tu as ta chaîne YouTube, comme je l'ai dit en début, où tu mets des courts-métrages que tu fais avec ton équipe, dans tout à fait. Tu joues. Bah, une équipe avec des gens que j'aime beaucoup et qui viennent très gentiment, gratuitement. Ouais. Donc le peu d'argent qu'on met dans les vidéos. On peut dire leur nom même. Oui, il y a Pierre-Joseph Segondi qui réalise. Bien sûr. Bon, après voilà, c'est une équipe qui a une quinzaine, vingtaine de personnes quand même. Pardon, mais... Et voilà, qui viennent tous bénévolement. Donc le peu d'argent qu'on met, c'est pour acheter. La nourriture, c'est-à-dire que déjà ils viennent gratos, donc on va pas en plus leur faire payer leur repas pour la nourriture, pour les décors éventuellement, voilà. Donc c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros qu'on essaie de se partager, c'est de l'argent personnel. Voilà, que l'on met Pierre, le réalisateur, et moi. On est producteurs et voilà. Donc des gens que tu as rencontrés à force de faire des tournages et du coup voilà. Tout à fait, et des amis en plus de collègues. Oui, non, c'est vrai. Je raconte très mal, je sais. Non mais t'inquiète, Audrey, un film devant lequel tu pleures à coup sûr, parce que la personne n'a jamais réussi à pleurer devant un film et ça a l'air cool. Que tu as un film sur lequel tu pleures à chaque fois. PS I Love You. D'accord. Ah, stupide. C'est assez qui dedans. Je ne sais pas, m'en fous, je chiale. C'est un film pour chialer. OK. Alors, c'est une question un peu pour tout le monde. Quelle est la production artistique dont vous avez le plus honte? Teddy, est-ce que tu as ça en tête? Non, c'est un hasard, j'essaie de faire un tour de table. Mais tout le monde va répondre. Est-ce qu'il y en a dont j'ai pas honte? Non, alors. Tu peux ne pas en avoir, il n'y a aucun problème. Hein. En fait, j'ai pas honte, j'ai fait pas mal de trucs nuls. Mais j'ai jamais eu honte parce que je me suis marré en les faisant, donc ouais, oui. J'ai vraiment fait des trucs de merde quand même. On avait un groupe avec des potes, mes premières vidéos s'appelaient les Milou. Ah, il y avait des trucs chambés dans les Milou. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré à l'époque. J'avais fait on avait joué tous les deux en figurant dans le clip de Jérôme Niel, Barbecue Party. Exactement. Mais dans lequel tu étais, Audrey, aussi. Ouais, c'est drôle, c'est les choses se recroisent. C'est dingue. Il y avait plein de gens dans ce clip. Non. Super. Après, on était un peu juste en merguez, donc on pouvait pas inviter tout le monde. Voilà. Il y avait plein de gens. C'était mon premier tournage où j'avais rien à foutre là, vraiment. J'ai pas compris. Il y avait plein de gens un peu connus. Il y avait qui? Il y avait Mister V, Cyprien, Maxime Muscat, donc plein de gens. Tu vois, Alain qui Chabard, de... vraiment des mecs. Dieudo, il y avait vraiment beaucoup de gens. Zidane. D'autres noms peut-être. Obama. Et j'ai rencontré Teddy à ce moment-là. C'est vrai. Avec les Milou. Et j'ai regardé vos vidéos, il y avait plein de trucs cool en plus. Michael Jackson aussi, dans le clip. Adrien, tu dans ta honte? Bon, ça doit se jouer entre les Web Comedy Awards. Ouais. Hein, qui sera peut-être ta réponse aussi. Oh, t'inquiète pas. Et non, il y a la pub Vivez le Dope où je joue assez très mal. Je joue mal. Voilà, c'est laquelle, la pub Vivez le Dope où je suis en bleu là dans l'espace et tout. Je l'ai revu récemment et je joue mal. D'accord. Voilà, donc je suis pas très fier. Julien Pestel, un truc dont tu as honte? Honte, non. Peut-être des choses que j'assume un petit peu moins, mais je peux pas trop en parler parce que je vais me faire des ennemis et tu sais ce que c'est ce métier. C'est que de la lèche devant et puis derrière on dit du mal. Donc j'ai pas envie derrière, de dire toi, du mal. Tu fais autre chose. Oui, du mal. J'étais obligé. Ah là, bravo. Très bien. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est rapport au fait que c'est un enculeur. Non, mais j'ai fait un truc avec Omar Sy une fois, il était à chier. C'est tout. Très bien. Et moi, il y a eu un sketch sur ICAT que j'ai toujours eu un peu de mal. Audrey, t'as pas dit? On va passer à Audrey. On fait un tour et on finit pas forcément par moi. Des fois, je suis l'avant-dernier. Non, mais d'accord. Un sketch qui s'appelait Se loger à Paris, qui est pas horrible, mais moi, j'ai toujours eu honte de ce sketch. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est le signé là, c'est ça? Non, ça, c'est le contrat de Vincent Tirel. Et Se loger à Paris, c'était un truc avec des gens. Mais tout le monde a oublié ce sketch. Non, moi, je l'aime bien. Et c'est sur un gars qui veut vendre et je joue dedans. Et c'est le sketch qui m'a fait dire, eh bah, c'est terminé. Le jeu, vraiment, on va arrêter tout de suite. T'as été pire et c'est avec des gens qui étaient un mec qui voulait vendre un appart alors qu'il y avait des gens pendus. C'était une critique acerbe. Ah oui. Non, mais moi je le trouve ça me dit un truc. Voilà. Ça et puis sur les Web Comedy Awards, on a fait effectivement deux trois trucs. On a fait deux trois trucs pas dingues. Ouais. Internet à travers l'histoire. Alors Audrey, un truc dont tu as eu honte ou un truc par. Non mais je crois. En fait, vu que moi j'ai commencé à jouer sans être comédienne au départ, puisque j'ai commencé avec 10 minutes à perdre, je pense que dans 10 minutes à perdre, tu peux trouver quand même des trucs avec des titres genre un USB et je suis dedans. Ou peut-être même un ou deux épisodes de shitcom qui étaient quand même. Ouais, mais ça je peux pas. Franchement, c'était tellement une proposition artistique que tu sais, tu peux pas dire c'est nul ou avoir honte. Moi de j'ai ça. Pas, je me souviens. Enfin, je me souviens. Je me suis rappelé que t'avais joué dedans. En fait, j'avais oublié shitcom. Ouais, c'est con. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment... Julia Pestel, qu'est-ce que ça te fait de maintenant faire partie des grands méchants du cinéma tels que Dark Vador et Sauron? Je pense que c'est une référence. La vache. Mais qui a un spoil aussi d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, plus ou moins. Mais oh non, c'est un connard au début. C'est vrai que t'es un méchant, ouais, c'est vrai. Que dans le film du Palme c'est un spoil de dire que c'est un spoil du coup. Presque. Parce qu'il est méchant dès le début. En fait. C'est vrai. La folle histoire, histoire de Max et Léon, tu es un méchant dedans. Est-ce que c'est. Oh là, je parle pas de ta question. Un grand méchant non, non plus. Mais est-ce tu que vois, c'est kiffant de jouer un méchant, oui. Un sale type en tout cas. C'est un nazi super... quand même. Là, c'est pas plus méchant. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est particulièrement jouissif, ouais. Parce qu'en plus, c'est des trucs que. Je peux parler de mon métier de comédien, s'il vous plaît. On m'attend en français, je n'ai pas que ça à faire. Non, mais en plus, non, j'adore. C'est très jouissif de faire les méchants, les connards, et c'est un truc que j'avais travaillé avec Grégoire et David du Palma Show donc depuis plusieurs années, puisque souvent dans leur sketch je fais la petite fouinasse, le mec insupportable, et là c'était un rôle où on pouvait un peu condenser tout ça, à la fois faire le mec lâche, le mec qui se moque, le mec méchant gratuitement. Mais dans ça, dans l'écriture, il y a un vrai côté de finesse aussi. En vrai, je sais que t'en es fan, tu dis pas ça pour se faire de la lèche, mais le côté gentil avec les puissants et une merde les subordonnés, les soufis, c'est un vrai truc à la de finesse quoi. T'es très bien dedans. C'est gentil, écoutez. Brillant. Vraiment, je vous invite à acheter le DVD. Nous n'étions pas nommés au César. Non. Et même non. Pas dans les prénommés. Même les premier film, j'étais surpris en vrai, parce que je trouve un vrai bon premier film. Non, on était dans les listes de films, il y en avait je sais pas 400, 600 quoi. Mais c'est en fait tous les films la boîte qui des sont Césars. Sortis. Les gens du cinéma, l'Académie des Césars reçoivent une boîte avec plein de films. Vous étiez quand même dans la boîte avec plein de films. Ouais. On était comment dire nommables théoriquement pour toutes les catégories, même costumes, etc. Vous concourriez en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais non, pas de prénomination, tout ça. Mais enfin après, c'est pas rageux du tout, parce que même je pense que Jonathan, Grégoire, David qui ont écrit et fabriqué le film se seraient pas forcément sentis très à l'aise dans une cérémonie comme ça. Ils sont plus branchés bar à tapas que bar à champagne. Très bien. Audrey, quel rôle aurais-tu aimé interpréter ou aimerais-tu enfin en tout cas un rôle où tu te dis j'aurais bien aimé ou j'aimerais bien un truc de... Alors attends, juste, je suis désolé, je suis obligé de revenir sur la formulation, parce que est-ce que ça veut dire que c'est un rôle qui a déjà été interprété par quelqu'un et que c'est au passé, donc auriez-vous aimé peut-être un truc du passé, mais en vrai peut-être on s'en fout et on peut ouvrir. D'accord. C'est des questions anonymes, donc on n'est pas obligé de respecter les gens qui les posent. Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que du coup il y a tellement de choses que j'ai pas joué. Enfin, déjà je joue du 2 minutes, donc si tu veux, déjà si je pouvais jouer. Non, mais tu vois, un rôle que t'as vu, un rôle que t'as vu à l'écran et tu te dis ah ça j'aurais bien aimé. Je pense que c'est ça le sens. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Je pense. Voilà. Eh bien, aucun. Eh bien, on va passer à Julien. Non, Julien, on fera un tour. Faites un tour, Julien. Un rôle que t'aurais aimé interpréter, que t'aurais kiffé. C'est vrai que c'est très compliqué comme question, en fait, en commençant à y réfléchir là. Non, quand j'étais petit, même encore aujourd'hui, j'ai été fan de Jean-Paul Belmondo. Et du coup, peut-être Jean-Paul Belmondo dans L'Animal. Le film L'Animal où il joue le cascadeur Michel Gaucher, que j'ai revu il y a 3 jours. Et je me dis, putain, c'est génial. Et est-ce que t'as eu ton petit cœur serré au moment de l'hommage sur Belmondo? C'était un peu tristoun, hein, quand même. Un peu tristoun, parce que, ouais, il a eu, le pauvre, il a eu pris quelques AVC. En 2001, il a fait un AVC qu'il a laissé un peu paralysé, pas mal du visage et amoché. Ouais. Mais malgré tout, ouais, ça reste un grand, grand monsieur du cinéma et qui m'a fait grandir, moi aussi. Ouais, c'était magnifique. Très joli. Bon, on reviendra peut-être sur cette question plus tard. Vous inquiétez pas. Moi, j'avais une réponse. Ah merde, Adrien, vas-y, pardon. Non, moi je pense le rôle de. Julien Pestel Max et Léon. Ouais, c'est vrai, j'aurais fait mieux. Non, Bakri dans Cuisine et Dépendance. Oh, t'aurais été parfait. Ouais, quand même pas. Non, mais t'aurais été. Bakri est parfait. Oui, Bakri est parfait. C'est un truc que je me dis, j'aime bien. Ou Bakri dans Un air de dans famille. Tous ces films. Non, mais ouais, voilà. Moi, j'avais vu que comme une image et un air de famille, et c'est Adrien qui m'a donné envie de voir Cuisine Dépendance, et je le remercie parce que c'était vraiment très bien. Je t'en prie. Et j'ai pris des places pour y aller avec ma petite amie. En fait, il y a Jaoui et Bakri qui ont. Non, alors juste Jaoui d'ailleurs. Théâtre Saint-Martin. Je crois que c'est un délire comme ça qui a mis en scène l'adaptation, mais à la base, c'est une pièce de théâtre. Et c'est une autre équipe, je crois qu'il y a Léa Drucker, je crois, enfin il y a quelques acteurs. Le rôle de Bakri est joué par le rire jaune, par contre. Ils ont fait un peu un coup de com' quoi, pour attirer un public plus jeune. Paraît-il qu'il s'en sort très bien. Écoute, il est pas mauvais. Non, mais en tout cas, il joue beaucoup au basket, par contre. Ils ont été obligés de prendre des libertés avec le scénar. Bakri dunk. Teddy dit dans sa bio Twitter qu'il aime la soupe, mais à quel goût? J'aime bien la soupe de légumes, multilégumes. Ah oui, donc pas de racisme dans les légumes au final. Bah, non, mais j'aime pas trop la soupe à la tomate, c'est intéressant ça ou pas? Si, ouais. Si, mais alors moi j'ai une question. Ouais. Plutôt genre mixé, y a pas de morceaux ou quand même des petits morceaux? Non, plutôt mixé, ouais. Genre velouté. Ah d'accord. Ouais. Enfin, si je peux me permettre d'être précis. Si on est sur un mouliné, et voilà, je suis plus velouté que mouliné. Velouté carrément, velouté, quoi, d'accord. Ouais. Avec un peu de crème donc. Une pointe de crème. On va pas se mentir. Question. Oh là, attendez. Voilà, mon micro. Question pour Audrey. Va-t-on te revoir dans d'autres vidéos de Golden Moustache? J'aimerais beaucoup en tout cas. Smiley. Bah, il y a de ouais. grandes chances. Ouais, ouais. Je pense. Il y a pas de. A priori, il y a pas de raison. Vous avez. Est-ce que tu as tourné des trucs récemment? C'était plus ça la question. Bah, on a tourné des trucs. Le dernier sketch que j'ai tourné, c'était Gilly Gilly. Oui, exact. Pour, Golden. T'étais très bien dedans. D'ailleurs, merci. Je te l'avais dit déjà, ouais. Mais je le redis parce que. J'ai eu des jolis messages. De... Teddy, deux questions pour toi d'affilée. Oh bah putain, quelle est la vidéo que tu as qu'une. Quelle est la vidéo que tu as le plus kiffé écrire ou tourner? Et dans quoi peut-on te voir à part sur la biscotte? Le plus kiffé, bah, je pense que c'était quand même peut-être la dernière de la biscotte avec Simon Astier, parce que vraiment ouais. C'est un mec que j'ai regardé à la télé et que je kiffais. Bah oui, qui est venu et dans cette émission d'ailleurs. Qui est eh venu, oui. Ouais, qui eh venu. Oui. Ouais. C'est énorme cette émission. C'était dans ce micro, Teddy. C'est c'était dans ça, ce micro. Il était non, il était là. Non, il était là. Est-ce qu'on peut changer de place du coup? Non, il était à sa place. C'est peut-être le même. D'accord, donc t'as kiffé. Et ouais, non, c'est pas vrai, c'était vraiment cool. Enfin, il était sympa, c'est un mec que je regardais à la télé. En fait, même adorable. Depuis ouais, vraiment. Ouais. En fait, depuis le début, ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos, mais même Kemar, etc. Enfin, c'est des gens que je voyais, Baptiste, je regardais leurs vidéos. Et après, j'ai fait des vidéos avec eux, donc c'est cool quoi. Bah, ouais, c'est ce qui est fort. Bah, c'est ouais. La meilleure chose de ce métier. C'est, hein. Enfin, c'est vraiment. Génial, bah, je sais que je sais pas comment est Gad, mais voilà, moi ouais, déjà non, avec non, Kemar, mais c'est fou, cool. C'est fou. C'est je t'ai dit quand je disais un peu, alors je sais pas si je le regardais au montage cette phase, mais quand je dis que c'était que j'avais critiqué Pattaya et qu'après j'ai tourné avec Gad, c'est vrai que tu te sens mal en fait parce que tu te dis putain, je suis vraiment un con, le gars est vraiment adorable, il est à l'écoute, il est super au fait de ce qui se fait et tout, donc Les sushis. Il adore les sushis. Non mais là, moi j'ai la chance jusque là de n'avoir jamais été déçu sur les gens qui ont fabriqué mon enfance en termes d'humour quoi. Par exemple De Funès, très cool De Funès. Un mec en or. Pas chiant en tout cas. Tu parles de la version 3D dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Très bien. Et est-ce que dans quoi peut-on te voir à part la biscotte? Pour l'instant c'est tout je crois. D'accord. Oui voilà, c'est déjà bien. D'accord. Les vidéos des Milou sont encore en ligne ou plus du tout? Elles sont en ligne, je crois que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas fait, mais elles sont en ligne. On peut me voir en régie au théâtre aussi, mais c'est pas intéressant. Juste, je mets c'est la moins. Lumière, peut-être voilà. Qu'on pourra le voir au mois d'avril sur ma chaîne YouTube, mais peut-être. On peut pas en dire voilà, plus. Pas le dire. Oh, un peu du teasing. La première fois que tu l'as entendu, c'était dans Floodcast. Ouais. Je me permets de le faire. D'ailleurs, Julien, ta chaîne YouTube est trop bien. Félicitations. C'est tu te concentres sur les courts métrages ou tu envisages d'autres formats? Alors là déjà on va se concentrer sur les courts-métrages jusqu'au mois de juin. On va essayer d'en faire pourquoi je prends cette voix chelou. Non mais c'est bien. Écoute, on a un peu de sérieux. Frisolé. Ouais. Non, ça c'était Patrick Bruel. décidément les imitations ouais. Ce soir c'est compliqué. Non, ça c'est le désordre. Donc on se concentre sur les courts-métrages jusqu'au mois de juin, un par mois. D'accord. Ce qui est lourd. En fait, mais lourd, genre c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup de travail pour faire à chaque fois une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure qui tienne la route. Puis oublier sans de trouver à chaque fois une nouvelle comédienne enculée quand même. Qui est toujours un travail. Comment de ça fou. On fait le tour. Je tiens des listes aussi. comme. et puis non, oui, peut-être autre chose pour la rentrée de septembre. Voilà. D'accord, très bien. Bah, tu viendras voilà, nous en du parler. Du programme court peut-être pour. Oh, n'en disons pas plus. N'en disons pas plus. Nous verrons. Ouais. J'ai pas bien pas bonne conjugaison, mais bon, en tout cas. Nous verrons. Nous verrons, bien sûr. Ok, excusez-moi. Petite musique. Non, vous inquiétez pas. C'est agréable. Oui, t'as rembarré complètement là. Non, casse-toi avec ton jingle. Casse-toi, ouais. On en a eu suffisamment. Non, mais voilà, pas trop d'autres questions. Ah, Teddy, comment c'est de travailler avec Kemar? Tournage plus écriture, est-ce qu'il écrit toutes les conneries qu'il raconte ou est-ce de l'improvisation? Beaucoup d'impro. Oui, vu que vous l'avez fait tous les deux. C'est... Bah, oui, non, moi j'étais. Pas... Moi, il n'y avait pas Marc, c'était Baptiste, moi. C'est vrai. Moi et toi aussi. Voilà. Et vu que vous ne l'avez pas fait tous les deux. Avec... Moi j'étais avec Stanley Rubric à l'époque. Non, oui, c'est beaucoup d'impro. Ouais. En fait, on écrit les. Comment dire les... Voilà. Bon, la ligne directrice, les magnétos, quoi, les la magnétos, base, ouais. La ligne directrice, les magnétos, les lancements des virgules pour savoir un peu ce qu'on va mettre dedans, qui disent un truc un peu en rapport. Bien sûr. Mais après, oui, c'est en impro et donc on se marre complètement parce qu'il est très fort. Il est très très fort en impro. Très fort. Et ouais, non, c'est carrément pas écrit. Mais est-ce que toi, tu improvises un peu avec Bakary? Moi, j'ai eu la chance pour le coup de jouer avec toi en Bakary. C'est vrai. Et c'est vraiment un plaisir parce que vraiment Teddy se transforme à ce moment-là et devient vraiment quelqu'un d'autre. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et vraiment, je te le dis là, j'aimerais vraiment voir ailleurs en fait. Enfin, c'est trop bien de le voir dans la biscotte, mais je pourrais faire là dans le salon. Film. Mais c'est non, mais ouf, j'ai peut-être un long métrage sur Bakary. Je me souviens m'être dit justement en voyant Audrey quand elle jouait la Kyra ailleurs que chez John Rash ou que sur France 4, me dire putain, c'est cool, c'est un perso qui se balade un peu dans les vidéos d'internet, c'est cool. Je me dis vraiment la même chose avec. Mais je crois que Elise Moon t'a approché pour les droits, non, de ce personnage. Exactement. Ouais. Mais pour un duo également. Fais gaffe, le dernier qui a fait ça, ça a mal fini, quoi. Un duo avec Simone. Merci Bakary. Ça va cartonner, putain. Écoutez, Il y a la tête tu qui va avec. Ouais, on est à la 16e imitation de Julien Pestel. On touche à la dernière partie de l'émission. Je vous propose un petit jingle. Ah. Ah oui. Branlette partout dans le cul. En plein dans la chatte là. Alors, oh, oui, Jean-Marie, oui, il s'agit du jeu du Jean-Marie Bigard. Putain, alors, qu'est-ce que le jeu du Jean-Marie Bigard? Alors, le concept. Je savais pas. Ah, je passe une soirée merveilleuse. Oh, je suis dans mon élément. En fait, il faut que vous sachiez, amis auditeurs, que c'est la première fois qu'on enregistre un floodcast aussi tard. Je ne sais pas ce que donne le résultat, mais en enregistrement, vraiment, c'est très marrant. Je rigole beaucoup. Le jeu du Jean-Marie Bigard. Alors, si vous écoutez le podcast, nous l'avons déjà fait une fois au Frames Festival, devant beaucoup de gens au Palais des Papes. Oui. Donc, à Avignon, qui était le lieu où se réunissaient les papes à l'époque, voilà, le clergé, ça, il y avait énormément de papes, rappelons-le. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage, ce concept de jeu que je vais vous annoncer, on peut le faire aussi ici. Alors, le concept, c'est tout simple, je vous diffuse le début d'une blague de Jean-Marie Bigard, à vous de trouver la chute. Oh, je suis tellement content d'y jouer avec Julien. Alors, je suis désolé, il y en a que deux, d'accord, alors j'espère que vous les trouverez pas trop vite, je suis obligé d'en garder un peu sous le pied si on veut en faire d'autres plus tard dans Foodcast. Je réfléchis à d'autres concepts de jeu, j'espère que ça vous plaira. On teste des trucs sur cette première émission, et d'ailleurs, dans les commentaires, sur Twitter, n'hésitez pas à nous dire si les trucs des questions, si les jeux, c'est des trucs que vous kiffez et tout, vraiment, on prend tout parce qu'on a vraiment envie de faire voilà, une bonne émission, en fait, qu'elle vous plaise, donc n'hésitez pas à nous dire. Un Fictionary peut-être la prochaine fois. Je me permets de vous mettre la première question. Attendez. Oui, dis-moi. Comment on procède? On va à la bonne franquette. Voilà, okay, c'est assez à la bonne franquette. Vous savez ce que c'est, une brune qui pue de la gueule? Alors. Une brune qui pue de la gueule? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une brune qui pue de la gueule? C'est ah non alors attends, une brune c'est une chatte. Ouais. Alors, écoute, bonne... un truc en rapport avec les cheveux. C'est pas un truc sexuel. Hein. C'est pas vulgaire quand même. Ah bah, une meuf qui lui a léché le cul. C'est dit avec tellement de candeur. T'étais pas loin, Adrien. Et tu t'es éloigné d'ailleurs. Alors. Une brune qui pue de la gueule. Je vous la remets un petit coup parce qu'elle est toujours agréable. Ah, mon tonton aussi. Vous savez ce que c'est, une brune qui pue de la gueule? Alors, qu'est-ce que c'est une brune? Alors, moi j'avais dit donc une chatte, c'est pas ça, mais. Non, c'est l'esprit. C'est dans l'esprit. Précise même. En vrai, c'est une partie de la réponse, mais précise. Je sais, c'est la chatte d'une rousse, d'une fausse rousse. La chatte d'une fausse blonde. Très très bien joué. Putain. Vous savez ce que c'est, une brune qui pue de la gueule? C'est une fausse blonde qui fait le poirier. Allez, tout public. La conclusion, j'avais pas tout le après la conclusion et c'est tout, très imagé. Ah oui, il y avait quand même le coup du poirier qui rajoute pas mal à l'humour, qui aide beaucoup. Tu m'en le mot bon poirier qui est quand même un arbre à la base, sachant que là c'est du sonore, mais sur scène il fait le poirier en même temps. Alors, c'est un ancien prof de gym. Nouvelle question. C'est le mec qui dit à un autre. À ton avis, ça pèse combien un paix? Oh bah, l'autre, tu dis, ça pèse rien, c'est du gaz. Ah, je la connais. Bah, oui. Julien, non, peut-être non, la connais. Vas-y, Julien. Non, mais on parle si de l'expert. Non, mais du coup, j'ai chié dans mon froc, j'imagine. Oh, je la connais, c'est pas moi, putain. C'est le mec qui dit à un autre. À ton avis, ça pèse combien un paix? Oh bah, l'autre, tu dis, ça pèse rien, c'est du gaz. dit bon bah j'ai chié dans mon frog. Et c'est drôle. Et ça marche pas mal. Non mais son intonation est parfaite. Bah j'ai chié dans mon frog. Non mais bonne soirée à tous. Il nous a eu parce qu'on savait ce que c'était et j'ai quand même ri. J'en connais une petite de Bigard qu'il avait fait une fois. Toute courte, c'est un mari. Ah ben, est-ce qu'on peut peut-être deviner la chute. Ah oui, bah, alors dis-nous le début. Je vais pas imiter Jean-Marie Bigard, mais c'est un mari qui dit à sa femme. Pour peut-être faire avec la voix de la gaffe. Un mari qui dit à sa femme, bon, je te préviens, chérie, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Ah, je la connais. Tu vas chercher du pain. Je la connais. Je la connais aussi. Bah vas-y. Bah non, je vais t'enculer. C'est bon. Comment bien finir cette émission que par ceci. Je remets un petit coup le jingle de l'émission parce que moi il me fait plaisir à chaque fois. Du jeu, pardon. Vite, branlette. Partout dans le cul. Dans la chatte, là. Écoutez, c'est la fin de cette émission, plus longue que d'habitude. Est-ce que c'est un format trop long pour vous, amis auditeurs? Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme pas d'habitude, moi, pas à moi, Flo, juste à Flo, juste à Florent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires et mettre des étoiles sur iTunes. Mon micro est un peu... Voilà, on m'entend mieux. Sur iTunes, parce que c'est comme ça que nous montons dans le classement. C'est comme ça que nous sommes référencés sur les top podcasts, iTunes et compagnie. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens découvrent ce qu'on fait. Mais est-ce bien nécessaire que tous ces gens entendent ce qu'on a dit ce soir? Oui, sur ce coup-là, quoi. Ça, l'enculeur. Oui, je tiens à rassurer tout le monde quand même, tous les gens qui nous écoutent. Je suis quand même quelqu'un de relativement distingué la plupart du temps. Je suis très bien élevé. Non, mais c'est les vacances ici, écoute. C'est une petite parade. C'est la coloscopie, hein. Attention, enculeur. C'est une petite parenthèse. Non, mais voilà, donc laissez 5 étoiles sur iTunes si ça vous plaît, laissez des commentaires si ça vous plaît, ça permet de faire découvrir, faites le tourner à vos bouche amis, à oreille, tout. À vos amis, et compagnie, galère, hein. Et n'hésitez pas à nous dire si cette formule avec des petits jeux à la con et avec des questions et tout vous plaît, et si ça vous plaît on continuera, si vous trouvez ça trop long on écoutera vos avis après tout, et voilà. Nous étions avec Julien Pestel, encore merci d'être venu. Merci à toi, Flaubert. DVD Blu-ray de La Folle Histoire de Max et Léon, oui. Et chaîne YouTube de Julien Pestel qui s'appelle Julien Pestel. Tout final. Simplement, en toute modestie. Et les courts-métrages, il y a donc, rappelle-moi les titres. Il y a The Big Night et Al qui sont sortis. Deux esprits voilà. Assez différents. Oui, final. Et ça va continuer comme ça, à chaque fois des univers différents. Très bien. Voilà. Et une série sur internet qui sortira en juin également, que j'ai tourné au mois de janvier. Oh, le bon plaisir, on ne savait pas. Ah mais oui, celle où tu te prends une gifle. Oui. Que j'ai regardé. Oui, oui. Bon, ben, celle-là. J'en ai entendu parler aussi, j'ai hâte de voir. avec Constance Labbé, oui. Et Nicolas Mérieux. Voilà, des gens qui sont un peu, que vous avez peut-être vu dans des sketchs ou que vous avez croisé un peu dans ces sphères-là. Ou dans Paris. Ou dans... sur la ligne 4. Voilà, possible aussi. Audrey Pirot, toujours le latté chaud. Ouais. Toujours R. Pirot. Ouais. Peut-être des projets ou autres. Oh bah, R. Pirot, ça me prend déjà ça prend du temps, ouais. Pas mal de temps parce que j'avais dit une vidéo par semaine. Et la con. Ouais, la con. Ouais, j'ai dit ça au début, moi aussi. Hein. Et très vite, t'arrêtes. Hein. Bah ouais. Non, du coup, je me mets un coup de pied aux fesses. Donc, déjà, ça me prend pas mal de temps. Mais. Très voilà. Toujours mieux qu'un coup de pied. Oui. Teddy, la biscotte continue. Ouais, la biscotte continue. On est sur des nouveaux formats en plus de 46 cas sport qu'on devrait tourner prochainement. Très chouette. Quand on les aurait écrits, quoi. Et c'est après d'autres trucs d'écriture, mais du coup, on me voit pas et puis c'est pas sorti. Donc voilà. D'accord. Je reviendrai. Tu reviendras. Voilà, voilà. Pour parler d'autre chose. Et là, je fais ma petite phrase d'animateur radio. Tu reviendras pour nous en parler. Avec plaisir. Voilà, bien sûr. Adrien, toi, on a fait beaucoup de choses ensemble. Rappelons-le aussi pourquoi on était absent si longtemps. On a vraiment beaucoup écrit. Bah oui, parce qu'on avec le Flaubert, on a écrit. On était auteur sur une série qui va sortir. A priori en septembre-octobre prochain. 2017, ouais. Voilà. Complètement. Et voilà, on a mis du temps à l'écriture. On était dessus depuis août, à peu près. Hein, parce qu'on a vraiment. On est parti de zéro. On a monté Axel Malivernet, Robinson Latour. On a vraiment fait germer. Une envie qui venait d'Axel. Depuis la graine qu'avait plantée Axel. Voilà. Et puisque c'est son projet. C'est son projet. On commence un peu à en parler. Hein, on peut en parler. Ça y est, là. Pas plus. Je pense qu'il faut pas plus. C'est déjà assez. Mais long. Je dis aussi quand même que je joue dedans. Tu joues dedans. Et pas un petit rôle. Le Le tournage commence le 20 mars. Demain, demain après-demain. Quasiment demain, oui, le 20 mars, voilà. Et, très bien. Voilà, ouais, je suis content. Et alors, si vous dites comment on fera pour enregistrer des fullcasts, oui. Moi aussi, mais on va trouver des solutions. Ça, ça se porte, J'ai déjà négocié un peu avec la prod qui travaille sur ce projet et il se peut que je puisse me ramener avec des micros. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Merci à tous d'être venus. Et voilà, des 5 étoiles sur iTunes et de partage, ça fait toujours plaisir. Gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde. On va dîner. C'est le compte de Noël. On t'aura c'est de moi comte de Noël, montre à nos montres en septième ciel. C'est le comte de Noël, c'est pas carré dans tes oreilles. T'entends gros. C'est le comte de Noël, avec Zoubir, c'est mon rail. Franchement t'es, t'en bats les couilles t'es. Franchement t'es, t'en bats les couilles t'es. Là on n'est pas là. On est là mon frère. Là on n'est pas là. On est là mon frère.